vie dans la vie de croisière d'assemblage requis. On revient sur quelques spectacles marquants du Festival de Trois-Rivières. Et le scout des internets, Simon Fitzbay, nous rejoint via modem téléphonique. La vie de croisière d'assemblage requis débute maintenant. Bonjour et bienvenue à la vie de croisière d'assemblage requis en ce jeudi 7 juillet 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Myriam Fugère, en remplacement de Marie-Pierre. La Forge Bourret. Bon, non, c'est pas facile, tu m'avais dit de le retenir, puis je l'ai complètement oublié. Quatre noms, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Donc, bienvenue à toi, Myriam, tu remplaces Marie-Pierre cette semaine. Exactement. On est très heureux de t'avoir à l'extérieur de ta chronique culturelle habituelle. Ouais, ben je suis très contente d'être là aussi. On va passer un bel après-midi, je pense. Évidemment, évidemment. Et écoutez cette voix. Elle a du futur, cette voix. Myriam. Ben oui. Cette voix extraordinaire. Une autre voix qu'on aime depuis toujours, c'est celle de Maxime Lemieux-Laramé qui vient en visite surprise en studio. Bonjour. Ouais, visite impromptue. Ben oui, c'était pas annoncé du tout. On t'a pas vu depuis le début de l'été. Non, mais c'est ça. Ben en fait, je passais dans le couloir et j'ai entendu ta voix radiophonique. Ah oui? Voix dont je m'ennuyais. Ah oui, pour vrai? Alors, je suis venu dire salut, puis j'aimerais ça tantôt peut-être présenter une pièce d'un groupe que j'écoute régulièrement ces temps-ci. OK, est-ce qu'on écoute notre premier bloc de palmarès et puis après ça, on place ta pièce? Ben ouais, parfait. Parfait, on va commencer avec les nouvelles entrées. En fait, il y en a quatre cette semaine, mais elles sont mélangées avec des pièces qui ont descendu ou monté dans le palmarès. Donc, on va entendre en 19e tantôt les Breastfeeders avec La fille dans la vitrine, mais on débute en 20e. Avec Camouflard de Galaxy. Oh, Galaxy, c'est bon. 19. Nouvelle entrée. Breastfeeders avec la fille dans la vitrine en position numéro 19 francophone et avançant en 20e. On avait Camouflard de Galaxie. C'était la vie de croisière d'assemblage requis et on soit, comme on disait tantôt, notre ami Maxime Lemieux-Laramé de la chronique Télécharge quoi qui a lieu à l'automne et l'hiver. En temps normal, et là, il était de passage devant nos studios, s'est arrêté et on l'a laissé entrer malgré tout. Merci beaucoup. Hein. Ouais. Non, tu sais. On t'accepte même si tu n'es pas souvent. Je viens profiter de l'air climatisé du studio. Ah, on est bien quand même. on est très bien. Tu viens nous présenter un choix musical. Oui, c'est ça, en fait. Je voulais vous partager ça. J'écoute ça. J'ai découvert ça il y a peut-être une ou deux semaines sur le web, puis j'adore ça. Puis tous mes amis que je leur présente l'artiste, ils trippent aussi. Alors, c'est le groupe Cults, C-U-L-T-S, groupe installé à Brooklyn. Je sais pas s'ils viennent de là, probablement pas, mais ils sont là désormais. Puis, c'est ça, c'est un peu chill pop. Ça me fait penser un peu à... Lokely. Un petit peu, tu sais, la chanteuse a une voix, c'est ça, un petit peu à la... Lokely. On n'est jamais sûr. On a la prononciation exacte dans l'ordinateur, mais... J'ai pas le goût. C'est bien guttural. Ouais. C'est bien suédois. Ouais. C'est laid. Alors, on va écouter la pièce Walk at Night, de Cults. Uh-huh. C'est ça, c'est ma tune préférée, mais l'album est excellent. Album homonyme. D'accord, donc Cults aussi. Exactement. Et on rappelle aux gens à la maison qu'on reste sur le bateau un petit peu plus souvent cette semaine parce qu'on n'a pas Marie-Pierre. Donc Marie-Pierre, qui a le mal de mer facilement, elle dit, on va entrer à l'intérieur de notre gros bateau dans une petite pièce où il y a un studio d'aménager. À la place, on peut passer notre temps sur les chaises longues et se mettre de la petite crème sur le bousonnet. Excellent, ouais. T'as mis notre bateau. Ils sont traités les coups soleil. Ouais, c'est ça. Parce que c'est si vite arrivé un cancer de la peau, hein, Max? Mm-hmm. Il embarque vraiment dans notre concept de croisière et ça paraît. Mais... Ben, ouais. Il a mis sa jupe de paille et tout. Je serais fier de son effort. Quand même. J'ai mon drink. C'est quoi ton drink? C'est un pina colada with dark rum. Mmh, yum. Ça a l'air bon, ça. Tu peux goûter? Ouais. Dédaigner un peu, non? Non. Oui. C'était Walk at Night. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs quand on arrive directement à la fin de la pièce comme ça, sans vraiment être préparé? Ouais, ben tu sais, c'est parce qu'on discute tellement pendant qu'on fait jouer les pièces qu'on s'aperçoit pas que la tune est terminée. On a du plaisir. Hey, j'ai même mis ta chanson thème derrière. Non. Tu le télécharges quoi, je te jure? J'écouterai... La balado-diffusion? Ouais. D'accord. Donc on rappelle, c'était Colts avec Walk at Night. Ouais. Et c'est ton choix de la semaine. Ouais, mon choix de l'été, le hit de l'été. C'est ça, que des hits ici, c'est assez fou, on aime ça. Merci Max. Ben, c'est bon, est-ce que vous pouvez accoster que je quitte? Oui, Non, saute. Saute. On va te pousser au pire. Avec un petit comment t'appelles ça? Une bouée de sauvetage. Un enfant. Ah. C'est une bouée de sauvetage, oui. Un petit canot, là, quelque chose. Ouais. Ok, bon, salut. Tu repasses quand tu veux les jeudis entre 13h et 17h, cher. Yes, ok. Bye. Bye. Bye. De toujours en avis de croisière d'assemblage requis avec Myriam Fugère en remplacement de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oh. Et moi-même, Mathieu Plante. Évidemment, cette semaine, étant donné Mathieu Plante et Myriam Fugère, c'est le spécial Plante et Fugère. Est-ce qu'on l'a dit? Non. Oh mon Dieu, que tu fais des bons jeux de mots. C'était écœurant. C'est la première fois qu'on m'a fait. Ouais? Non. Moi non plus, tu sais, Plante. J'ai pas dit que j'étais drôle. Hein? Non, c'est ça. Mais en tout cas. En tout cas. On va accueillir dans quelques minutes, tantôt, en fait, notre amie Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. On va aussi parler du festivoire. En fait, je ne sais pas si le contenu de sa chronique, elle ne nous avertit pas à l'avance. Ça, c'est un mishmash de plein d'affaires. Okay, un mishmash? Un mishmash, c'est comme le Monster Mash. C'est quoi la danse du Monster Mash, donc? Pas au courant. Pas un grand danseur, moi. Non, moi non plus, pas une grande danseuse. En fait, la danseuse... 5 pieds 2. Ah ouais? Pas si pire. Non, notre danseuse, c'est Marie-Pierre, d'habitude. Parce que, Marie-Pierre, ben oui, c'est vrai. C'est une danseuse. Tout à fait. Pas une danseuse, une danseuse. Hein. Donc. Hey, parlant de ça, tu savais-tu qu'il y avait une nouvelle école de pole dance à Trois-Rivières? Oui, j'ai entendu ça. C'est incroyable. Bon, je pense que Stéphanie a quelque chose à dire là-dessus. C'est plutôt, plutôt gênant. Qu'est-ce qu'il y a? Je connais la fille qui a parti de cette école-là. Ah, c'est ah, très ouais. gênant de dire ça. Tu l'admets en nom de la radio. J'ai déjà été chez elle et il y avait un pole dans le milieu de son salon. Ah! Mais moi, ce que je trouve j'ai très, très drôle, là, c'est que t'as la grande fenêtre, mm-hmm. puis quand t'as un cours de pole dance, puis mettons, moi, je passe dans la rue, puis là, je vois Madame Chose qui est en train de faire son cours de pole dance dans la fenêtre. Si j'étais Madame Chose, j'aimerais pas ça qu'on me voit me trimousser, parce qu'on s'entend-tu qu'on doit pas être bien bonne au début, là? Au début, c'est sûr. Non, il devrait au moins installer une fente dans la fenêtre pour pouvoir insérer tes billets d'un dollar. Ben, américain, mettons. Oh! Non? Juste un dollar? Ben là, t'sais. Hey. C'est ça, parce que c'est ça le problème. Comment qu'on fait, tu sais? Moi, je connais pas ça, tu sais. Au Canada, au Québec, avec des billets de 5 $ minimum, il faut vraiment que tu donnes un gros billet, sinon c'est parce que de la monnaie dans un string, ça. Ça tombe, puis c'est pesant. Ben, c'est pesant, fait que le string tombe. Ah, oh! Ah, ouais. Oh, ben, finalement. C'est pas cher, finalement, pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, tu rentres bien dans ton argent. Pas pire. Budget. On va retourner au palmarès francophone. Tout l'été, à la vie de croisière d'assemblage requis, on bascule d'une semaine à l'autre, d'un côté à l'autre, entre francophone et anglophone. Cette semaine, c'est franco. Et là, tantôt, on a entendu de nouvelles entrées. Là, on a un petit bloc de pièces qui ont bougé d'une place chaque vers le haut. Tout à l'heure, il va y avoir Christian Jacques avec le comptoir des viandes, ce qui vient un petit peu résumer toute la discussion qu'on vient d'avoir. Ah oui, et puis la fille dans la vitrine. Non, mais on est systématique. Ben oui, c'est vrai. Ah, le pole dancing dans la vitrine. C'est beau. Puis après, ben en fait, avant ça, on va entendre Super Héros de Taco Thibault. À la vie de croisière d'assemblage requis. Hey, hey, hey, hey, hey. Ça, c'est moi qui Quel chante. Rossignol. Ah, merci. On cherchait les surnoms tantôt. Rossignol. Rossignol vaillant. Rossignol technologique. Ooh. Why not? Te défendre contre les gros camions, les robots, les explosions, les malheurs qui n'arrivent jamais seuls. Et quand tu pleures, j'essuie le seuil. Ta grande fatigue et la douceur qu'on peine à vouloir retenir. Jamais je ne te souhaitais de tel malheur, mais cette fois-ci, personne ne meurt. À bord de ça, on court un peu. On ouvre la porte, on fourmillière. Sur le plancher, un peu perdu, un peu écrasé par la solitude qui dépose toujours son pied là. Jamais je ne te souhaitais de tel malheur, mais cette fois-ci, c'est elle qui crève. Je vais te défendre contre les gros camions, les robots, les explosions, les malheurs qui n'arrivent jamais seuls. Et quand tu pleures, je suis le seuil. Ta grande fatigue et la douceur qu'on peine à vouloir retenir. Jamais je ne te souhaitais de tel malheur, mais cette fois-ci c'est moi, c'est toi. On tourne et tourne autour de tout, de nos pouvoirs qui s'essouffle. On s'accroche mal un peu partout, car le temps pèse sur nos corps. On tourne et tourne autour de tout, de nos pouvoirs qui s'essouffle. On s'accroche mal un peu partout, car le temps pèse sur nos corps.

Vous êtes assez fou. L'écoutez. 89.1. C'est la vie de croisière d'Assemblage requis sur C'est fou. Oui, toujours la vie de croisière avec notre amie Myriam Fugère et moi, Mathieu Plante, donc ça fait planter Fugère. Hein, si on le... c'était convenu dès le départ. Inconfortable. Attends, c'était quoi? Inconfortablement. Tu sais, je sais pas, à la TV, il y a une pub qui joue tout ouais, tout naturellement. Le blanc. Moi, je vais faire inconfortablement, genre. Oh. Ça aurait pas été bien drôle. Attends. Ouais, donc... T'es bonne pour faire ça. On serait pas mal rendu... À la chronique ton plat favori? Ben oui. OK. Je suis ton plat favori, le sang sur ton bistouri. Non, tu comprends pas. Et cette semaine, dans ton plat favori, on a toute une galerie de personnes, de personnalités publiques, on pourrait dire. Justine Renaud, bonjour. Hello. Hello. Stéphanie Gagné. Bonjour. Myriam Fugère, toujours. Hey. Et moi, Mathieu Plante, le seul qui n'est pas allé au festival du tout à date. Hey! Loser. Ouais, en effet, en effet. Donc, table en forme de Pac-Man plus que table ronde. Évidemment, en studio, la table a une drôle de forme. On peut pas et dire table ronde. Mathieu s'est fait manger par le Pac-Man jusqu'à présent. Et il aime beaucoup ça. Donc, vous êtes allé voir plusieurs spectacles du Festivois. On va aller dans un ordre n'importe comment. Là. N'importe mais moi, je dis qu'on commence par Justine parce que c'est elle qui a vu le plus de spectacles cette semaine. Puis moi, j'ai juste vu celui d'hier. Fait qu'on devrait y aller en ordre chronologique du premier spectacle. Ah, hein? premier. Ça te Marjo! Hey, Marjo! J'avais hâte. On n'aurait pas dû parler de ça. Oui, oui, oui. T'es allé voir Marjo, puis est-ce que c'était, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens? Écoute, je dis qu'à date, parmi tous les spectacles, ça devait être celui qui était le moins énergétique. Mais il y avait à peu près tout le temps la même quantité de monde. Les gens, ils foulaient la place. Autant qu'ils pouvaient, là, à part là, à la fête du Canada avec Tom Cochran, là, ça c'était bondé, là, mais tu sais, c'était gratuit. Mais avec Marjo, l'énergie était moyenne, mais vers la fin du spectacle, vraiment sérieux, là, ça a commencé à lever. Mais Marjo était super bonne. Là. Ah oui. Tout respect de cette femme d'un certain âge. Il le faut. Elle était super bonne. Écoute, il faut l'avoir une fois dans sa vie, l'avoir franchi son équipe technique, c'est super le fun. Ah oui. Puis Martin Deschamps, Jonathan Pinchot, etc. C'était bon. Que des hits. Okay, est-ce qu'on peut, quand que vous allez regarder, réécouter l'émission, ouais, genre bloquer le Marjo puis ouais. Jonathan Pinchot puis tout ça, ouais. Puis mettre d'autres noms d'artistes à la place? C'est ce que je prévoyais faire. On va remplacer ça par qui? N'importe qui, là. Qui frenchait son équipe là-dedans? Je sais pas. Luckily. Luckily. Quoi? Hey, il y a de l'abus de Luckily. On aime ça dire ça, c'est un beau c'est nom. C'est pas mal dire. Le clé. Donc, en ordre temporel, si on oublie complètement Marjo, je vais l'enlever au montage de toute façon. Donc, non, c'est pas vrai. Marjo, uh-huh. Ensuite, qu'est-ce que tu as vu d'autre, toi? Est-ce qu'on reste sur toi? Ben, le lendemain, j'ai été voir Tom Cochran avec ma maman. Mm-hmm. Ma mère a bien aimé, elle a crié tout plein. Les gens l'entourent aussi crier tout plein, mais Tom Cochran était vraiment très, très, très sympathique et chaleureux. Je m'y attendais pas parce que c'est quand même un big shot vieux, tu sais, c'est mon oncle, on se le cachera pas. C'est mon oncle. Il joue bien de la guitare en tabarouette, puis bien sûr, il a gardé Life is a Highway pour la toute fin. Et ça, c'était absolument jouissif, là, avec son harmonica. Son harmonica, j'aime ça. Non, que les filles rock en studio en ce moment, t'as-tu? Fait que c'est ça, Tom Cochran, ben bon. Le lendemain, on était rendu avec... comme dirait Myriam, Joanne Jett. Joan Jett. Ma mère va me crucifier là, parce qu'elle ne m'a pas jamais dit Joanne. Fait que c'est ça. Fait que Joan Jett, elle a pris un coup de vieux, mais elle a exactement la même coupe de cheveux qu'avant, puis elle s'habille pareil. Genre, c'est-à-dire legging bien serré avec sparkles. Je connaissais à peu près juste 3 tonnes, par exemple. Fait que c'était divertissant, mais c'est sans plus. Ben, je suis allée le voir aussi, puis, tu sais, je suis allée fouiner, là, si on veut. Puis, dès que je suis entrée, I Love Rock'n'Roll a commencé. T'as raté le début ou non? T'es entrée au bon moment? I Love Rock'n'Roll est passé. Ben, ça devait être à peu près. 3-4e. Okay. Bon, ben, j'ai vu une couple de tours. La première chanson, c'était. Bad Reputation. I'm giving down my bad reputation. Ouais, c'est bon. Ils ont passé. Ouais, ben, tu sais, il y avait à peu près 3-4... Ben, tu sais, j'ai vu récemment The Runaways, le film qu'ils ont fait... Avec Dakota Fanning, etc. Ouais, exactement. J'ai vu ce film-là il n'y a pas longtemps, donc peut-être que ça m'a fait découvrir un peu plus les chansons... C'est sûr. Étant donné, je pense, les chansons de Joan Jett qui joue dans le générique. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que là, j'ai reconnu ces chansons-là après I Love Rock and Roll. Je peux pas vous dire les titres parce que je... Ouais, il y en a peut-être qui l'ont découvert par Guitar Hero et Rock Band aussi. Bien sûr! Ouais, exact. Ouais. Ben oui, aussi, c'est sûr. Je dois en avoir découvert là aussi. Ça vient pas toujours de la même place, la connaissance, la culture musicale. Non, c'est sûr. Il y en a qui ça a pas les yeux d'or. C'est ça. La chanson thème de ça, hein? C'est qui fait ça déjà? Sûrement Joanne quelque chose, pas Joan dans ce cas-ci. Ensuite, t'as vu Alice et puis Isaac? Oui, c'est ça. C'était la prochaine, c'est ça. Jour 4. Isaac. Au début, gêné. Ensuite, beaucoup plus confortable sur la scène. C'était très, très, très envoûtant. Je connaissais presque aucune de ses chansons, sauf moi aussi, que j'avais déjà entendu une fois auparavant. Mmh. Tout le monde était super, super dedans. Vraiment, là, la foule. On était assis sur des chaises de patio blanches en raisin synthétique, là, raisin de synthèse, en tout cas ça. C'est ça. Puis, il était vraiment dedans. C'était super, super comme... Tout le monde tapait des mains, là, puis c'était comme... C'était fourré, là, tu sais, c'est comme... Hein? J'ai beaucoup de mots pour décrire mon affaire. Oui, beaucoup de mouvements de bras. Non, c'est ça, tu fais du mime à la place. Mon geste. C'est bon. Fait que c'est ça, non, les tapis, les actes, là, c'était très, très bon. C'est de la musique très, genre, envoûtante. Mm-hmm. Et elle parle l'anglais, le français, puis le nuk-tuk. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait qu'elle avait les chansons dans ces trois langues-là tout au long. Est-ce que les gens chantaient... En Inuktuk. En Inuktuk, il y avait peut-être ça un deux craqués qui connaissaient les paroles. Inuktuk, t'as raté mon Inuktuk. Inuktuk, c'est excellent. C'est pas pire. Bon, c'est ça, il s'appelle Isaac. J'ai bien aimé. C'était une découverte pour moi. On va l'entendre d'ailleurs une pièce, pourquoi pas. On va faire découvrir ça aux gens qui ne connaissent pas encore. Hein? Let's go. OK. Écoute, moi, Elsie, de LSP Isaac. Oui, c'est on de revenir en force après pour le reste du festival. Et voilà, Festival de Trois-Rivières qui est en ce moment même. Hein, c'est ça? Fini quand? Ouais. Le 10. Le 10. Dimanche. On retient ça. Hop, pas celle-là ici, c'est pas ça. C'est celle-là ici. On va la voir. Ça va être excellent, je suis sûr. C'est ça. C'est Internet, hein. Faut t'attendre un peu. Loading, buffering. Tu pars quand tu veux, hein, vraiment, n'importe quand. Vas-y, fais. Tu peux peut-être nous en chanter un extrait en attendant? Sens-toi bien à l'aise. Pareil que ton avion part, je sais pas quoi. Nanana. Hey, t'es vraiment game, je pensais que tu le ferais pas. Okay. Es-tu bonne? Attends, c'est quoi, je me rappelle plus. On va l'écouter à la place. T'aurais dû demander de jouer du piano. Attends, mais c'est, ça parle genre de ça que manges-tu? Ah oh, oui, ça joue en ce moment. C'est bien bon. Non, ok, c'est ça. On y est. Fait que. Non, ça joue. Il y a du piano qui joue. Mais non, c'est ça. C'était écrit par Richard Desjardins. Ah, c'est au sujet là, des hommes qui vont travailler dans le Nord, puis ensuite se tapent toutes les femmes du village et du fait même en brisent plusieurs cœurs lorsqu'ils repartent là, au Sud. Mais c'est comme. C'est ça, en gros, la chanson, mais c'est vraiment bien écrit. Là. Et ça paye Isaac, c'est fou. Merci. Pareil que ton contrat cher surprend l'avion à la fin du mois. Écoute un peu, je serai bref. Tu vas en manquer, pas juste moi. Comme ces filles dans les baraques, peuplées à mort dans le désordre, avec des cousins qui les traquent dans le garde-robe au bout d'une corde. Y'en a pas une qui se protège de rêver d'être seule avec toi. T'es attirant comme un beau piège, tes lèvres brillent comme un appât. Je veux te dire comment je me sens, je suis vraiment bien avec toi. T'es fin, t'es doux pis t'es veillant. T'as un beau sexe, je le veux pour moi. Les filles à soir font un cortège pour ramper jusque dans ton lit. pour commettre le grand sacrilège. Aimer un blanc mouiller son nid. Je suis rêvée, sale et console. Je te transmets leur gratitude. Et les aiguilles de leur boussole s'en vont la nuit pointée au sud. Tu te demandes peut-être pourquoi je prends pas un homme de ma rivière. Quand il s'allonge auprès de moi, j'ai l'impression qu'ils sont mes frères. Les gars ici m'arrachent beaucoup. Ils viennent au monde, c'est même banal, avec une flèche plantée dans le cou. Et quand ils parlent, ça leur fait mal. Sont pris dans un capteur de songe. À la coop, va donc savoir. Ils achètent de la poudre à mensonge. Partent à la chasse aux idées noires. Quand leurs fusils ont tout vidé, ils prennent alors nos cœurs pour cible. Toi, tu m'as prise sans procéder. On aime un homme quand il est libre. Je sais pas pourquoi ça me fait penser. Peut-être une femme t'attend là-bas. Comment te dire sans te forcer qu'il n'y a rien d'éternel ici-bas. Je sais parler comme ça, c'est pas bon. Faut m'excuser, j'ai fait de mon mieux. Juste pour te dire qu'on fait des ponts où les rapides sont furieux. Souviens-toi de ce nom, Elsie, comme du vent doux sur la toundra. Et si un jour ton cœur choisit, j'aimerais tellement qu'il vienne à moi. Et si jamais c'était le cas, faut que j'aille à Montréal, Stilton. M'amènerais-tu dans le bout de cas, voir les couleurs, manger des pommes. Pareil que ton contrat cher, tu reprends l'avion à la fin du mois. Écoute un peu, je serai bref. Tu vas me manquer, pas juste moi. Pas juste à moi. Arrête de parler ou tu vas avouer tous tes fantasmes en onde, c'est comme ça. Comme tu veux, Myriam. Parce que c'est exactement de ça qu'elle parlait hors d'onde. Ouais. Des gros barbus. C'est là où Colin, elle l'a dit en plus, t'es pas gênée. Mais là, non, mais on regardait Ryan Dunn. Ouais. Feu Ryan Dunn. Ryan Dunn dead. Tu t'es fait ta coiffure avec les écouteurs, j'avoue que ça fait un petit peu bizarre par contre, Justine. Bon, sur ce behind the scenes de la vie de croisière d'Assemblage Requis, on est de retour en studio avec Justine Renaud. C'est très beau. Stéphanie Gagné, Myriam Fugère. Moi, c'est Mathieu Plante. Plante et Fugère, on a compris, ça va. Pendant que tout le monde se remet de ses émotions. Tout à fait. On parlait du Festival de Trois-Rivières. On vient d'ailleurs d'entendre LCP Isaac avec Moi, Elsie. Moi, Elsie, oui. Pas en anglais, Me, Elsie, ça fait too much worldwide. Hein? Une pièce très, très calme. C'est Isaac. Ouais, très personnel et poignante et ah, mais tu l'aimes, c'est ça l'important. Stéphanie Gagné. Oui. Qui ça te fait bien toi aussi des écouteurs, Myriam. Tout le monde est très beau avec des écouteurs aujourd'hui. C'est telle une parade de mode, on pourrait faire un. Ah, on devrait prendre des photos et mettre ça sur la page Facebook. Ah, j'avoue, sur tous vos appareils. Non, juste Mathieu. Mathieu, il ne match plus avec les autres. Mathieu, place tes écouteurs correctement. Faut que tu sois tout croche et que je défasse ma peignure. À la radio, on aime on les gags visuels. On va prendre des photos puis on va vous mettre ça sur la page Facebook. Quand même, on dirait une radio interactive, tout ça. Hein? C'est. Là, il y a comme des micros, là, ça va mal. Bon, moi, je continue de parler par la salle. Avec Stéphanie Gagné, qui est allée voir d'autres spectacles au Festivois, qu'est-ce que tu as aimé en particulier, toi? Oui, eh bien, hier, je suis allée avec Justine et Myriam, je sais pas, était où, mais en tout cas, elle était pas avec nous. Moi, je t'ai vue, en tout cas. Mais elle était là. On était vraiment en avant. On est allé voir Radio Radio, suivi de Damien Robitaille. Pas par choix, mais bien parce qu'il n'y avait rien d'autre. T'aimes pas Damien Robitaille? Non, j'aime pas beaucoup Damien Robitaille. Il était mouillé. Oui, il était très mouillé. Il avait le shag trempe. Mais moi, je l'ai trouvé honnêtement très charmant. Tu sais, je tripe peut-être pas sur sa musique, mais je trouve que c'est quelqu'un qui est très charmant. Il est très drôle. Puis il s'amusait à charmer son public. Là. Il y a des petites madames en avant de moi. Je pense qu'il aurait aimé ça. Ah. Mais je comprends pas pourquoi il est populaire, sa musique. Là. C'est comme pas c'est du très, tout c'est très basic. Là. C'est très, très à la base. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Stéphanie, okay. Comparaison, Kate Nash en français avec 50 livres en plus, du poil, puis un chandail mouillé. OK, là, faut vraiment aller chercher loin pour faire une comparaison entre Kate Nash. Ben oui, mais là, Kate Nash, Caroline is a victim. Caroline is a victim. Okay, c'est I la have a secret chanson. I can't tell you, hein, etc. C'est toutes des chansons qui disent rien. Okay, okay, Justine n'aimait pas Damien Robitaille non plus. C'est vraiment juste pour faire un débat contre moi. Parce qu'elle non plus, elle a pas aimé ça. Mais bon, ça, elle dira pas. Parce qu'il faut qu'elle fasse un débat contre moi. Caroline, la chicane va pas nier en studio. Mais c'est même pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler de Radio Radio. Ben, c'est pas la première fois que t'es venu en spectacle. T'es une grande fan. T'es presque une groupie de Radio Radio, on pourrait dire. Quand même pas. C'est juste la deuxième fois. Que t'es passe? OK. Non, c'est juste la deuxième fois. La dernière fois, on les avait eus en entrevue. Ici même, à Assemblage Rocky, ben oui. Oui, on les avait eus en entrevue l'année passée. Puis on est allé les voir ensemble au D'Artagnan après. Mm-hmm. Et moi, j'avais aimé le spectacle, mais on était comme dans la loge VIP. Parce qu'on on est très cool, big shot, là. Nous. Hein, ouais, c'est ça. On est vraiment big shot, moi et Mathieu. Bravo. Mais vu qu'on était dans le VIP, tu sais, le monde, ils sont assis. Puis moi, j'étais debout, puis j'étais comme « Ouais! » Puis je capotais, mais il y avait personne autour. Alors là, au Festivois, t'as eu la chance de te défouler avec tout le monde. Oui, t'as on pu était sauter à l'avant, comme ça. Et je sautais main le dans les airs. Ouais. Like you just put don't care. Put your hands up, tout le kit. Puis c'était vraiment cool, mais par exemple, tout de suite, quand ils sont arrivés sur stage, Bug, il manque un gars. Ils étaient donc... Ils étaient deux. Deux au lieu de trois. Oui, et aucune explication pourquoi le dude n'est pas là. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a quitté le band? J'ai essayé de regarder sur Google, puis j'ai rien trouvé non plus. Fait que mystère. Aucune idée. Mystère et boule de gomme. J'étais pas là au départ du spectacle, mais est-ce que ils ont rien, absolument rien expliqué? Là? Ils ont rien expliqué. Ils sont arrivés sur scène. Salut, puis, on est Radio Radio. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Avec les moves de main, là, vraiment super ghetto. Ouais. Mais bon, ça a pas paru. Je veux dire, il y a rien manqué au spectacle. Ils ont comblé les parties que c'était l'autre gars qui rappait. Mais je trouvais ça un peu bizarre. Tu sais, quand on connaît le band, puis tu sais qu'ils sont trois, il y en a d'autres. Je suis sûre qu'ils s'en vont même mais pas. Moi, je connais pas beaucoup, puis je me suis rendu compte qu'il manquait un ami. Là. Il manquait un ami. Un petit bonhomme. Il y avait un manque. Oui, il y avait un manque de cheveux frisés là, sur stage. Mais est-ce qu'il était aussi, aussi flamboyant, déguisé? Mais oui, c'était vraiment cool. Moi, j'adore leur style. C'est des gars qui les se foutent dance. Totalement de quoi ils ont l'air. Justement, dans Guess What, ils en parlent dans les paroles. Ils se font traiter de tout plein de noms. Ils se font traiter d'homosexuels, etc. Puis eux autres, ils s'en foutent totalement. Là. Ils ont leur style à eux autres que j'adore. Ils dansent sur scène. Ils font des petits moves, des petites danses super boy band, là. C'est super cool. Ouais, c'est excellent. Puis ils lèvent la patte très haut. Ils font. Tu sais, sont synchronisés aussi. Puis c'est le fun parce que c'est pas juste des petits pas de danse comme ça improvisés. Là. Tu vois qu'il y a un move qui se sont dit hey, on fait bras, jambes. Tu sais, il y a des. Gauche-droite au bas, XY. Ouais. C'est organisé, là. C'est vraiment cool. Moi, je les aime vraiment. Là. Puis ils savent comment faire le party dans une place. Là. Le monde embarquait vraiment, là. Il y avait comme crescendo dans une chanson, là, puis là, tout le monde, ouh, tout le monde s'est crié, c'est malade. J'ai adoré. Bon. Première fois que je les voyais en spectacle, puis je pense que s'ils reviennent à Trois-Rivières, j'y retournerai. J'ai vraiment aimé, j'ai accroché. Cool. C'était le spectacle que j'attendais le plus du festival. Je suis vraiment contente de les avoir. On va aller les entendre d'ailleurs, et contrairement à d'autres radios qui, pendant le festival, ont fait jouer Jacuzzi et. 30 secondes de Jacuzzi. 30 secondes en extrait. On va faire entendre une pièce qu'on entend un petit peu moins, et même ici, assez fou, parce qu'on les a toujours joués, sauf celle-là, ouais, en fait, en rotation. Il y a celle-là, il y a aussi Kenny G Non-Stop, qui est très cool, oui. Et qu'on n'a jamais fait jouer, je pense. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc, on va écouter Tom Tom, celle qui parle du fait qu'il n'aime pas les djembés, pas les tam-tams. Exactement. Pas les On écoute ça dans la vie de croisière, l'assemblage requis, plus tard, d'autres spectacles du festival. Offbeat. Intellectual bitch rap. 101. Say, say, so, ha. And go, man. So, so, ha. Empty the tom-tom. Go, man. So, j'aime pas les tom-tom, non, j'aime pas les tom-tom. J'aime pas les djembe, non, j'aime pas les djembe. J'aime pas les tom-tom, non, j'aime pas les tom-tom. J'aime pas les djembe, non, j'aime pas les djembe. J'aime pas les tom-tom, non, j'aime pas les tom-tom. J'aime pas les djembe, non, j'aime pas les djembe. J'aime pas les tom-tom, non, j'aime pas les tom-tom. J'aime pas les djembe, non, j'aime pas les djembe. J'aime pas les tom-tom, non, j'aime pas les tom-tom. J'aime pas les djembe, non, j'aime pas les djembe. J'aime pas les tom-tom, non, j'aime pas les tom-tom. J'aime pas les djembe, non, j'aime pas les djembe. J'aime pas les djembe, bah j'suis un flower child. Y'a du sur partout, so check, check, check mon perma smile, smile. Tu moques du hemp, bah c'est bon pour la business. Since que ton report, c'est the one and only witness. Et tu riches, n'est-ce pas, aucun des beaucoup stupides. C'est tout normal, j'débarque de mon bateau, ouais, sur un cheval. Avec ma 9-4-9, trame mes doigts, pédé des voix. Pour de la misère à croire, que j'care about le soir. J'aime pas les hemp pour la santé des insectes. Go fuck a tree sur mon WMD. Y'a global warming, so c'est next to my list. T'as pas plus de couronnage, so admit to piss. J'aime pas les tom-tom, non j'aime pas les tom-tom. J'aime pas les djembe, non j'aime pas les djembe. J'aime pas les tom-tom, non j'aime pas les tom-tom. J'aime pas les djembe, non j'aime pas les djembe. Avec un purebred top-notch, patchouli Reebok. Si qu'à djembe solo fini, pas j'paire le detox. Et check across the club avec des figures for bag. Et backpack plein gold, heroin beat la swag. C'est la Persian rock, Y2K bug. Avec des goddamn putain maillot coupe de printes in my coffee mug. C'est la free trade refrain, et j'carole juste pas avec ma counterfeit illusion of self, just get through. Too much out, cause you parle about the monopole. King Call, Veggie Mix, Diabol. Play a granola dans la guerre des Kaula. J'aime pas la whole wheat, j'aime pas la whole wheat. Soya bean, tofu, gasoline, keep protest. C'est cause que next, pesticide, les insects. J'aime pas ta bête, so fuck la planète. Et j'te donne un bol d'eau, pis une moche de galette. Blackjack, 400, pis des cartes de bingo. J'aime jouer aux cartes, pas sur cartes de tarot. Un pas ma love life, un pas mon succès. Un virus, je suis comme un, comment tu savais? Take a fire ritual, kinetic over visual. Let's call les amis sur la télé, telepathic spiritual. Scam, glam, frag, clam, days of our lives. Passion, television, hippie twist, tout ça c'est nice. J'aime pas les tom-tom, non j'aime pas les tom-tom. J'aime pas les djembe, non j'aime pas les djembe. J'aime pas les tom-tom, non j'aime pas les tom-tom. J'aime pas les tom-tom, non j'aime pas les tom-tom. J'aime pas les djembe, non j'aime pas les djembe. J'aime pas les tom-tom, non j'aime pas les tom-tom. Firewater, radio, radio. Avec Tom dans votre radio. Tom-tom, non j'aime pas les tom-tom. Tom-tom. C'est tellement bon. Oh, cool. Toujours dans la chronique, ton plat favori avec Stéphanie Gagné, Justine Renaud, Myriam Fugère et moi, Mathieu Plante, dans la vie de croisière d'assemblage requis. Hein? Je pense qu'on l'a pas dit encore, Plante et Fugère. Ouais, je me demandais si elle allait le dire. Ouais, une fois par heure, peut-être. Je me retiens. Donc, ensuite, Stéphanie Gagné, de quoi tu nous parles? On parle du festival, évidemment, mais de quel groupe? Tout de suite après, Radio et Damien Robitaille, on a été à l'embuscade. Je suis pas capable de comprendre ton move. On a migré. On a migré. Ça, c'est un oiseau. Faut que tu fasses des mains qui battent des ailes. C'est ça le langage radio. Vers l'embuscade. Et c'était Atomic Baobab qui était en spectacle. Et les deux, vous pouvez donner votre opinion aussi. C'était vraiment bon. Ouais, c'est vraiment bon. C'est excellent. J'ai bien aimé ça. Mais comme d'habitude, ils sont toujours excellents en show, toujours en feu, toujours. Ouais, ils se donnent. Toujours tout 30. Non, c'est pas ça. Moi, non, c'était les moins 30 de la soirée. Oui, exact. Ouais. Damien puis Radio, t'as pas mal 30. C'est une échelle de 1 à Damien. C'est l'échelle de Richter, mais là, c'est Mais oui, c'est ça, Atomic Baobab sont toujours excellents. Ça fait vraiment souvent que je les vois puis je me tanne jamais. Pourtant, c'est comme quasiment toutes les mêmes pièces. Ils ont joué une nouvelle pièce hier que j'avais jamais entendu, mais à part de ça, c'est les mêmes pièces que j'entends depuis comme un an et demi. C'est ça, parce qu'ils ont comme 6 pièces, sinon. C'est quoi, 5 pièces ou 4 pièces sur le maxi, en plus de celles en français qui est enregistrée? Il y a 5 pièces sur le maxi. Il y a Bombe cérébrale qui est sortie ici. Mm-hmm. Il y a À l'aide, une reprise d'Antoine Graton. Okay. Et la nouvelle chanson. Ça ressemble pas mal à ça. Mais on se tanne pas, on dirait. Non, pas. Mais parce que c'est le fun, parce que plus ça va, plus on les connaît. Puis on les écoute. Je les écoute dans mon auto. Je les écoute dans les spectacles. Mm-hmm. Je les écoute. Ah, c'est fou! Bien sûr! Je me tanne pas, j'adore ça. La seule place qu'ils jouent, pas, et non pas parce que c'est un contrat qu'ils ont signé avec les Mardis de la Relève. Ah, blague inconfortable. Ouais, bref. Et c'est ça, c'est vraiment. Quoi, c'est des commentaires éditoriaux? Oui. Et comme radio, c'est de la musique qui donne vraiment le goût de danser. Là. Tu fais pas juste. Bouger la tête un petit peu, là. Non, t'as vraiment le goût de te lever. Tu peux pas jouer de la bubblehead, là. Non, c'est ça. T'as vraiment le goût de danser, là. C'est vraiment la musique qui te met dedans, puis le band est en feu, comme d'habitude. Nous autres, on était juste à côté du claviériste, genre, même pas un mètre à côté de lui. Et le claviériste, là, bon Dieu, il est tellement fort. Mais Jay, il y a une technique très. Il y a une technique très spéciale, là, pour jouer, là. Il va avec les index, tourne un peu le poignet. Non, mais il joue vraiment d'une drôle de façon. Ah, c'est des gifles. Oui, exact. Non, mais tu sais, ce qui porte à croire que peut-être qu'il n'y a pas de formation musicale nécessairement puis qu'il est autodidacte, mais non. Non? Non. Je te crois, là. Non, je le connais depuis un bon moment. Puis non, il y a vraiment une technique. C'est parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça. Ah, il a appris à jouer à l'oreille. Tu sais, il n'y a pas de technique puis tout ça. Mais non, au contraire. C'est juste c'est trop bon. Il trouve ça cool de jouer comme ça. Tu sais, quand tu peux te le permettre, là, tu le fais. Ah, moi, je trouve ça débile, le regarder jouer. Là, on voit même plus ses doigts parce que ses doigts bougent trop vite sur le clavier. Ouais, c'est complètement mon gars. Une crise d'épilepsie. Puis là, je parle juste du claviériste, mais tous les autres membres du groupe là, sont tous excellents. Le guitariste, le drummer, tout le monde est vraiment débile. C'est vraiment une ambiance de party. Puis il y avait pas mal de monde hier à l'embuscade. C'était pas mal. Ouais, exactement. Puis tu sais, Atomic Baobab, leur fan club qui les suit, il y a tout le temps, généralement, pas mal le même monde qui sont là dans les spectacles. Donc, c'est le fun. Ils se créent une clientèle, là, si tu veux. Une crew? Ouais, ils ont... Ouais, mais c'est vrai, c'est tout le même monde. Atomic crew. Oh, yeah. Ouais. Et toi, Justine? Ah, oui, moi, j'étais assis à la même place que toi, là, et j'ai bien apprécié mon angle là, sur le claviériste, bien entendu. Le guitariste que j'ai pas pu mettre mon œil dessus. Et la foule qui était en avant, qui était vraiment là, déchaînée, incluant un monsieur, un jeune homme qui était... Casquette orange? ouais. Oh. En tout cas, lui, il était assez intense. Mais non, les gens ils ont vraiment embarqué. C'était très, très, très plaisant. C'était pas mal plus plaisant, la foule, que la première fois que je les ai vus, moi, à Atomic Baobab, au... Les Mardis de la Relève? Non, c'était à l'université. C'était... Ah oui. La première semaine de l'université. La semaine d'intégration, là. Oui, c'est ça. Les initiations. Oui, mais il y avait un spectacle avec Mister Valère. Oui. Un groupe Baba Shlouba. Un groupe africain que je me rappelle plus. Mais Atomic Baobab, première partie. Puis il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Ouais, on s'entend que le disto, c'est beaucoup trop grand pour accueillir Atomic Baobab. Toutes les foules ont leur petite miniature. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on se sentait moins dedans quand il y a du monde dispersé partout puis que tout le monde est trop gêné pour être vraiment dedans. C'était pas aussi trippant. C'était où au festival, tu disais? Festival, c'était à l'Embuscade. OK. Puis samedi, ils sont à la scène principale en première partie de Casey and the Sunshine Band. Hey, que des hits encore ici. Casey and the Sunshine Band, personne en parle en bien ici. Est-ce que vous voulez vous avancer un... Ben, je connais pas beaucoup, je peux pas me... Ben, je vais y aller parce qu'Atomic vont être là. Puis on verra si je vais rester pour la deuxième partie. Alors, on écoute une chanson d'Atomic? Oui, laquelle? C'était laquelle, finalement, hein? C'est ça, il était en train de chanter les paroles, mais personne ne savait. On connaît toutes les paroles, mais on connaît pas quelle parole vient avec quelle chanson. Super. Je sais que c'est pas Foxtrot. Je sais que c'est pas Cut, je sais pas quoi. Connais là. Par processus d'élimination. Mettons, allons-y avec What's Left to Do. Bon. On va prendre un guess. Mets-moi le chiffre. C'est la première du maxi. Écoutons ça. Est-ce qu'on y va? Ici, c'est fou, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de censure. On peut se permettre d'écouter les débuts des pièces. C'est celle-là? Non. Non, c'est pas celle-là. Oui. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. C'est pas. Verdict, allez. Okay. Oui, celle-là. Ben, moi, je pense que c'est elle. Ah, ben, probablement, c'est celle-là. C'est deux compteurs, c'est bon. Je suis pas sûr. Le titre? What's Left to Do? Atomic Baobab, la ligne de croisière d'assemblage requis sur C'est Fou. 89.5. We'll be right back. when the music is on. Ah, c'est ça, je voulais. Gotta keep on moving! Super. On vient d'entendre la formation Atomic Baobab avec What's Left to Do sur leur maxi Atomic Baobab EP, n'est-ce pas? On parle évidemment du festival ici à la vie de croisière d'Assemblage Requis, toujours avec Justine Renaud, Stéphanie Gagné, Myriam Fugère et Mathieu Plante. Oui, et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de parler des spectacles qui s'en viennent pour le restant de la semaine, pour la fin du festival. Moi, personnellement, je m'en vais voir Our Book and the Author ce soir au Bada. Au Bata, au Nord-Ouest. Oui, au Nord-Ouest. C'est quoi, c'est le Bata? Non, au Bata, tu te rappelles pas? Non. Au B-A-T-A, Our Book and the Others. Ah, ben oui, tu l'as mentionné pendant l'entrevue avec eux autres. Hey, tellement ça sort de ma bouche comme sans vraiment que j'y pense, que j'ai même pas... Toi, Myriam, tu vas voir? Ben, en fait, je vais essayer d'aller faire un tour à Our Book and the Others parce que ça m'intéresse beaucoup, mais je vais aller voir aussi sur la scène du Zénob, Triaz, qui est en fait un trio. Féminin. De jazz, non? A cappella. Oui, toutes a cappella sont vraiment excellentes. Je les ai jamais vues en spectacle, mais j'ai entendu beaucoup très, très bon. Ils ont fait une mini première partie de Marjorie. C'était très, très, très bon. Ah non, c'est excellent. Puis ils jouent également aussi dans la rue. Ça a l'air bizarre, les jeux dans la rue. Non, mais c'est les scènes publiques. Oui, sur les scènes. Le public attend, là, des fois. Là, fait qu'ils ont des... Donc, ils sont là. À quelques moments, puis c'est ça, ils sont au Zénob, donc à compter de 23h, 23h minuit. Puis d'ailleurs, ils ont fait des voix sur dans les chansons d'Atomic Baobab. Ils ont comme une espèce de... Ils sont un peu affiliés. Ouais, ils sont un peu affiliés. Ouais. La seule fois que j'ai vu Atomic Baobab, à part au festival, puis à part dans les Mardis la Relève, puis sur le show qu'on a parlé tantôt, c'était au Gambrinus. Puis la première partie, c'était Triaz. Donc, ils sont pas souvent ensemble. À chaque fois que Atomic Baobab fait un show en région, Ils étaient là hier. Parce que ça, ils ont fait... sur la chanson What's Left to Do, qu'ils ont fait... C'est combien d'entendre? Oui, il y a Triaz. Ils ont repris avec Triaz dessus. Bombe Cérébrale, il me semble qu'ils sont là aussi. Je suis pas certaine, par exemple. Mais en tout cas, il y a plusieurs chansons... Oui, ils sont où ils font des back vocals et c'est excellent. Ça donne un résultat très bien. Très, très bien. Toi, Justine, à soir, c'est... À soir, c'est au Bata. Au Bata. Mais avant, on va voir Xavier Caffeine, qui est la première partie de Jonas and the Massive Attraction. Jonas, pour qui je trouve qu'il vire un petit peu un Nickelback. Il fait un petit Nickelback de lui. Ouais. Donc, j'ai plus hâte à Xavier Caffeine pour ça, le petit punk québécois. On verra bien que ça va donner, parce que j'écoute sa musique un petit peu quand j'écoute la radio, mais j'ai bien hâte de le voir en spectacle. Il doit avoir une certaine énergie, le ressemblante un peu à celle de Atomic Baobab, pas dans le sens de la musique, mais dans le sens qu'il se donne vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'il va se donner. Ben, je l'ai déjà vu en spectacle à la fête, à la Saint-Jean-Baptiste, à Gatineau, il y a à peu près 2 ans, il était là, puis il a vraiment donné un bon spectacle, le public était là. J'ai grimpé ses clôtures en avant. Il m'a vraiment mis dedans. Tu sais, Xavier Caffeine, pas nécessairement l'artiste que je préfère, mais ce soir-là, j'aimais ça en tas. Exactement. J'ai adoré. Puis pour la suite, demain soir, il y a Random Recipe que j'ai bien hâte d'aller voir avec Stéphanie, etc. Samedi, pour nous, ça va être Betty Boniface à la Maison de la Culture. Léante, je sais pas si elle va présenter son spécial de chansons françaises reprises. Puis dimanche, on avait pensé terminer le festival en douceur avec peut-être un petit Marc Hervieux. Un bon gros ténor. Oui. Pour commencer en quétainerie et terminer en quétainerie. T'as quand même du goût en un majorité, bon mais ouais, t'as un range qui va de minable. Je pense que c'est pas question de goût, c'est plus essayer de maximiser son passeport. Ben oui, c'est ça, 30$. Moi, si mon spectacle il me coûte une pièce, ça me dérange pas. Faut qu'il serve à de quoi, ce petit passeport-là. C'est ça. Mais bravo pour la plupart de tes choix, en tout cas. La plupart de tes choix. Tu me donnais un certificat. Ah, on n'a pas le budget pour ça. Ah, c'est bon. Ouais. Donc, merci beaucoup, Justine, Renaud, Oui, Stéphanie Gagné, Myriam Fugère. On va aller entendre une pièce de Our Book and the Authors au Bata. C'est Kids. Oui, Our Book and the Authors en spectacle ce soir au Nord-Ouest. 11h, ça commencera pas à 11h. C'est ça. Ça a été une belle chronique, d'un long bout, mais une chronique quand même. C'est une heure presque de chronique. Une belle table ronde. Pac-Man. En forme de Pac-Man. Table ronde Pac-Man. It's cold outside, it's cold outside. Put your scars in your mittens, cause it's cold outside. It's cold outside, it's cold outside. Put your scars in your mittens, cause it's cold outside. It's cold. Kids de Our Book and the Authors. Ça donne envie d'y être, hein? Ben, tout à fait. C'est quand déjà? Ce soir. Jeudi. 11h. Jeudi, 23h. Ouais, ben 23h, minuit, là, à peu près. Un petit peu plus tard que ça. Ouais. Je remercie encore notre merveilleuse merveilleux panel, c'est ça, j'allais dire le mot panel, j'étais pas sûr si ça s'employait en français tant que ça. Notre panel de la table ronde Pac-Man. C'était une bonne émission. En tout cas, c'est ça, hein, ils riaient tout quand on était en ronde, puis là, ils rient plus. Non, chante la mieux que ça, je vais t'enlever le fond, chante là, on va faire un thème avec ça plus tard. Go. Ça suffit. Bon, à choke. Et plate pas mal, aïe, la fille. Aïe. Elle avait toute une chanson préparée pour une future émission, la table ronde de Pac-Man qui mange, Mathieu. C'était super. C'est excellent, en fait. C'est la fin. C'est tellement n'importe quoi. On termine ici pour une première heure, un petit peu en retard quand même, à écart environ. On va avoir une deuxième heure tantôt avec... on devrait avoir Simon Fitzby et sa chronique Le Scout des Internets en direct via modem téléphonique. Ça veut dire qu'il va nous téléphoner via un vieux modem... Fondu. C'est ça, fondu un peu. Puis en très, très bon état avec les nouvelles technologiques de la semaine. Mais encore une fois, je remercie Justine Renaud. Ouais! Hey! J'ai bien prononcé ton nom, c'est bien? Oui, c'est merci. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Ah, ben oui, c'est ça. C'est ça. Ah, j'allais retourner voir mes cellules. Ah oui, t'étudies en quoi déjà? En biochimie, biotechnologie. Biochimie, la chimie du vivant. Ah, ben oui. Pourquoi on chie, pourquoi on pète, en gros, c'est ça. Ah, ça a l'air le fun. Soudainement, ça m'intéresse. Retourne prendre soin de tes petits objets, tes petits êtres. Ils sont passés tout droit, pour ouais. Petits. Stéphanie Gagné. Oui. Est-ce que tu t'en vas, Thérèse? Oui, je m'en vais. Tu t'en vas repasser tes culottes. On a des détails qu'on voulait pas nécessairement avoir. Ça jupe, ça jupe. Parce que quand tu dis repasser ses culottes, ça sonne comme repasser ses culottes. Là. Vraiment? Ça sonne étrangement comme repasser ça. Repasser des pantalons. Mais non, je vais repasser une jupe. Une jupe. Et des chemises. Bon, mais quittez-nous de bord. On va rester plantes et fugères jusqu'à la fin de l'émission. Alors, restez avec nous. Plus de la vie de croisière d'assemblage requis après la pause. Bye. êtes assez fou pour m'écouter. 89.1. Bonjour, c'est toujours l'ami de Prozer d'Assemblage requis sur les sortes de C'est fou 89.1 FM. Et on écoute cette semaine les palmarès francophones pour la période du 4 au 17 juillet 2011. On va s'enfiler une suite de pièces, je vous dirais, tellement qu'on a passé de temps sur le festivois. On va entendre en 12e Karim Ouellet et en 13e les Jigs, mais on débute en 14e. Voici Panache et Catherine ou une journée mémorable. Sur C'est fou, dans vos heures. Renversé de toute manière bien trop fort. Avec tes papilles saturées, le récepteur et l'émetteur, le téléphone et tes clients que tu abandonnes sans remords pour personne. Les remords le matin, c'est bien trop, c'est certain. Sur le plancher de danse, pour qu'ils disent l'ensemble. Mais à quoi tu penses, à quoi tu penses? Quand tu t'es retrouvé couvert de jambes blanches dans une chambre noire, des noirs encore, des remords du matin que tu connais trop bien, tu les connais. Numéro 13. Bye. numéro 12. S'il y a un monstre sous mon lit, je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Je n'ai plus peur de toi. Keeping my light down low. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, on oubliait. Changer ce monde, un peu de musique. This is how we use it. How we usually do. Je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Keeping my light down, I'm not afraid of the dark no more. Faut pas le réveiller, mon squelette au placard, mes oreilles. Changer ce monde, un peu de lumière, tous les mains dans les airs, la terre tourne à l'envers. Je me couche à l'heure des vampires, achever son empire à s'en déchirer le linge. Quand on s'endort, on oxe. Pousser dans mes pensées comme mauvaise herbe et passer à l'action. Chasse même les sorcières, put your lights out. Je connais quelques histoires de monstres à faire. Grimper la colère à mon rideau de fer. Donc, j'irai tirer sur le monstre avec Claude. Mais ne surtout pas le montrer, le monde parle trop. Come on! Come on! S'il y a un monstre sous mon lit, je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Je n'ai plus peur de toi. Keeping my light down low. I'm not afraid of the dark no more. Oh, oh. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, on oubliait. Changer ce monde, un peu de musique. This is how we use it. How we usually do. Je ne dormirai pas. Je vais le prendre par les cornes et m'en faire un repas. Keeping my light down. I'm not afraid of the dark no more. Faut pas le réveiller. Mon squelette au placard, mes oreilles. Changer ce monde, un peu de lumière. Tous les mains dans les airs. La terre tourne à l'envers. Maman, là, qui montre, ça ne se peut pas. Mercredi, quand on dormit à tour de fond. Carré Mouillette avec la pièce Le Monstre en 12e position. Ça monte de 8 places. C'était nouveau la semaine passée. C'était précédé des Jigs avec Qu'est-ce que tu fais qui monte d'une place et de Panache qui descend de 2 avec Catherine ou Une journée mémorable. On prend une petite pause et on revient à l'instant avec Simon Fitzbé. Le scout. Scout déjà, internet. Est-ce que t'es geek? Ben, je te dirais que je suis pas très geek, mais je trouve que c'est très intéressant d'en parler. Tu sais, j'irai pas à la recherche de. Mais j'aime qu'on me pitch ça d'en face. Là. C'est ça l'affaire avec Assemblage Rocky. Tout t'es pitché d'en face. J'adore ça. Comme du spaghette, voir si ça colle. Ah, voilà, j'aime ça. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Vous êtes à bord du SS Rocky. Attention, requin. Toujours la vie de croisière, l'assemblage requis avec Myriam Fugère et Mathieu Plante. Ça fait planter Fugère, hein, on l'a dit. Ben oui, on l'a dit, mais là, gars, tu vois, l'heure a passé, puis on peut leur dire encore. Ouais. Mais je sais qu'on a un grand, grand fan de jeux de mots au bout de la ligne. On va accueillir Simon Fitzbé avec le scout des internets. Scout des internets. Bonjour, Simon. Simon? Oui. Il est là, Simon. Allô? En direct de son laptop, donc de ses cuisses, finalement. Exactement. Ben, vu que je fais une chronique sur les internets, je vais me servir des internets pour vous appeler. Ben, c'est ça. C'est vraiment très cool. Tu utilises la technologie, là, c'est génial. Raconte-nous ça un peu. Eh bien, j'appelle via Gmail, en fait, de Google. C'est une fonction qui a été mise en onde, non pas mise en onde, mais mise en ligne plutôt, il y a quelques mois de ça déjà. Oui, donc tu peux faire des appels téléphoniques, vidéo, plein de choses là-dessus. Là. Exactement. Donc, si vous êtes membre de Gmail, en fait, il faut être membre de gmail.com version américaine parce que ça fonctionne pas au Canada encore comme tel. Donc, si vous allez, si vous êtes sur Gmail version canadienne, vous allez dans les paramètres, vous le changez pour anglais États-Unis, puis soudainement, là, vous allez avoir l'option. Exactement, ça fonctionne. Et à ce qui paraît aussi, il y a une fonction pour envoyer des messages texte, mais j'ai pas encore testé ça, malheureusement. Ta vie va pouvoir être centrée là-dessus, presque autant que sur Facebook, finalement. Exactement. Toi étant pas toi en particulier, parce qu'on sait que t'es contre tout ce qui est social, sinon? Ah oui, moi je suis complètement antisocial et j'ai toujours pas mon invitation Google Plus. Non, moi non plus. Apparemment qu'il y avait une petite période d'ouverture là, il y a quelques jours où ils ont réouvert ça pendant un petit bout de temps, si j'ai bien compris. Mais là, c'est refermé. Toujours pas de possibilité d'avoir un compte de l'équivalent Google de Facebook. Et non, malheureusement, pas pour tout de suite. Et on peut vraiment dire équivalent Google parce que entre autres, Mark Zuckerberg a parlé de ça justement cette semaine. Il a dit qu'il était très content que Google Plus soit populaire et que ça prouve en fait que la façon dont il a envisagé Facebook, il a vu Facebook depuis toutes ces années, eh bien, ça se confirme puisque Google utilise un peu les mêmes genres d'interface. Mm-hmm. En fait. Tout à fait. On dirait plus que similaire. Hein? Oui. C'est pareil finalement. C'est le même genre. Donc, Simon, en direct de ton Gmail, tu vas nous faire ta petite chronique là, de technologie pour enseigner des choses à Myriam en remplacement de Marie-Pierre cette semaine. Donc, adapte ton contenu aux plantes et aux fugères cette semaine. Ouais, vos jeux de mots sont très, très drôles, d'ailleurs. J'adore. Merci. C'est trop sympathique. Par quoi est-ce qu'on commence, Simon? Eh bien, Facebook qui réagit justement à Google Plus cette semaine en s'associant, oui, avec Skype pour les appels vidéo. Mm-hmm. Donc, vous allez pouvoir, en cliquant sur un seul bouton, démarrer une conversation vidéo avec n'importe quel membre qui sont dans vos amis sur Facebook. C'est une fonction qui a été intégrée dans l'outil clavardage, donc dans votre chat à droite. Ça n'a pas changé depuis le temps que je suis plus là. Il faut mettre un logiciel sur le furteur, en fait, qui va à peu près 30 secondes à télécharger. Une fois que c'est installé, vous pouvez faire des communications gratuites via Skype. Oui, on dit que c'est tellement simple, vraiment, que n'importe qui est illettré complètement technologiquement. Ta grand-mère pourrait se connecter à ça. Mais j'adore ça. Ouais. Moi, j'ai été étudiée à Jonquière, puis Skype était très pratique pour moi. J'ai vraiment aimé ce logiciel-là. Donc, c'est sûr qu'avec Facebook, ça rend la chose beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, parce que faut que ton ami ait un compte Skype. Mais là, il se dit, ben oui, mais Skype, personne ne connaît ça parce que, à ce moment-là, ils savent pas comment, ils savaient pas comment ça fonctionnait, c'était tout nouveau. Donc, vraiment, là, tu cliques sur ton ami, puis ça fait la job. J'étais même pas au courant, puis je trouve ça génial. Ben, sérieusement, je trouve que, là, je sais que t'es pas sur Skype, t'es sur, le système de Gmail, c'est ça? C'est pas brandé Skype dans Gmail? Non, c'est pas Skype du tout. D'accord, mais ta qualité sonore sonne beaucoup mieux que ce qu'on est habitué d'entendre via un téléphone. Parce que là, faut le rappeler, t'es pas par téléphone. Nous, notre côté est par téléphone, mais tu nous appelles d'un ordinateur. Et je suis sûr que si tu nous appelais dans mon compte Gmail à moi, on pourrait enlever l'espèce de petit... je sais pas si les gens entendent le genre en arrière. Oui, il y a un petit bruit de son. Là. Mais c'est vraiment génial. Le son est quand même très, très bon. Ouais. C'est ce qui reproduit un peu... entre autres, pour les utilisateurs de Mac comme toi et moi, Mathieu, on a eChat qui a quand même un son excellent également. Mm-hmm. Et tout ça avec les micros internes des ordinateurs, donc c'est vraiment génial. C'est superbe, superbe. Oui. Et d'ailleurs, justement, parlant de ce vidéo chat de Facebook, eh bien, TechCrunch également fait une comparaison avec Google Hangouts, qui est la version dans Google Plus où on peut faire des appels vidéo et des appels de groupe. Et on se demandait, en fait, si on allait pouvoir utiliser les fonctions de Skype pour faire justement des appels à plusieurs personnes, des appels vidéo. Eh bien, non, malheureusement, si vous voulez faire des appels vidéo à plusieurs sur Facebook avec Skype, il va falloir payer 4,49 par mois pour avoir le service premium. Mais on parle d'une seule personne dans le groupe qui pourrait avoir ce service-là et l'offrir aux autres, dans le fond, dans leur conversation. D'accord, c'est bien ça. Quand même. Oui, c'est intéressant. On peut payer ça en gagne. Ben oui, on se cotise un peu. Une pièce chaque. Ben oui, 4,49 à 10 personnes, ça fait vraiment pas cher. Ben... Et c'est aussi Google, on dit en fait que son produit est un peu meilleur pour ce qui est du chat en groupe parce que c'est gratuit, premièrement. Ouais. Mais à 10 personnes dans une même salle de vidéo, ça peut commencer à être assez difficile de savoir qui est-ce qui parle, de focusser également sur une seule personne parce qu'on a un grand écran et les petits écrans en dessous. Ça peut être un peu moins plaisant. C'est un peu comme avoir quatre personnes qui animent en studio en même temps, des fois. Quoi, qui parle? Qui parle? Qui parle? J'entends pas, je comprends pas. Qu'est-ce que t'as dit? Qui parle? Sur une table Pac-Man qui mange Mathieu, hey. Est-ce que tu vois? Ah, youpi, tu nous as fait. C'est le fun. Ben oui, sûr. Eh ben, la table Pac-Man, t'avais remarqué il la forme. Il manque un bras. Ouais. Hein? Ben là, la table te mange. Ah, OK. Ouais, je pensais que tu parlais de Pac-Man. Je me rappelle surtout que la table du studio aussi a des coins serrés, donc faire attention quand on passe sur les C'est tout à fait vrai. Ouais. Et on reste toujours dans Google+. En fait, une dernière nouvelle par rapport à ça. Eh bien, savez-vous qui est-ce qui a le plus d'abonnés sur Google+, en ce moment? Pour moi, certains, en tout cas. Non, c'est pas Mark Zuckerberg non plus? Oui, c'est Mark Zuckerberg, justement. Oh! Oui, il a 4... Comment? C'est incroyable. Il y a 34 000 abonnés. Wow. Et le compte de Larry Page, qui est le patron de Google, lui en compte seulement 23 000. Il est deuxième. Donc, il y a 11 000 personnes de différence entre les deux. Okay. Et Mark Zuckerberg, donc, profite des améliorations de Google Plus pour mousser un peu sa popularité. Ouais, c'est ça. Mais c'est le système de s'abonner à des gens. Donc, c'est un petit peu plus comme Twitter que comme Facebook par rapport aux gens. Dans le fond, c'est comme tu likes quelque chose, si on veut l'équivalent de ça. T'as pas à demander et recevoir une approbation. Exactement, on n'a pas besoin d'avoir d'approbation, on n'a pas de statut d'ami. Il n'y a pas un échange qui se fait entre les deux, dans le fond, okay. C'est que tu peux suivre quelqu'un et tu vas lire ce que la personne écrit, mais elle lira pas nécessairement ce que toi t'as écrit sur je sais pas si comment il appelle l'équivalent d'un mur sur Google Plus, sur ton cercle ou quelque chose du genre. Là. C'est ça. Mais on n'est pas assez cool nous autres pour faire partie de cette gang-là encore, malheureusement. Ah ben Colin, c'est pas un mur, c'est un plancher, ça. Parce que ouais. Bon. Ah les gars. Donc Google Plus, ça ferme la parenthèse là-dessus. Hein? Tu comprends mes jokes oui. De mathématiques, plus moins parenthèse. C'est génial! Incroyable. Maintenant on passe à Apple. Il y a deux petites nouvelles sur Apple assez intéressantes. En fait, premièrement, l'App Store qui a été refusé en exclusivité à Apple. Ben oui. Le nom, le mot App Store, ben les deux mots App Store, frère. Exactement, c'est que Apple avait fait des demandes pour que le nom soit exclusif, que ce soit la marque de commerce d'Apple, puisque ça a été les premiers à appeler leur programme, parce que moi je continue à appeler ça des programmes, des apps. Et donc le App Store, le Mac App Store qui est disponible sur les Mac, le App Store général pour les iPods et les iPads, reste quand même quelque chose qui appartient à tout le monde, c'est-à-dire qu'Amazon qui a ouvert, eux, leur propre App Store pour vendre les programmes, les logiciels, ont le droit de le garder et tous les autres compagnies qui vont utiliser ce branding-là, si on veut, en bon français, vont pouvoir garder le nom App Store. Mais tu vois, ce qui me tracasse avec ça, Simon, j'arrête pas d'essayer de t'appeler Keywon parce que t'as la même voix que Keywon au téléphone, je savais pas si tu savais ça. Ça vraiment, pour vrai, c'est vraiment très similaire. Mais non, j'allais dire que je pensais qu'il y aurait jurisprudence. C'est ça, jurisprudence, le mot jurisprudence? Oui, jurisprudence. Bon, parce que, disons, Microsoft a le mot Windows et ils ont un droit là-dessus. Apple s'appelle Apple, qui est une pomme. Ils ont un droit exact. Là-dessus. Mais là, App Store, deux mots ensemble, c'est deux mots. Là. C'est pas juste un, là. C'est deux mots, là. Ouais, fait qu'ils exagèrent. Ils exagèrent un peu, puis il me semble que je sais pas si le droit d'auteur là-dessus devrait être accepté. Ouais. Ça, c'est particulier. En fait, c'est que le juge a dit qu'une des raisons pourquoi ça reste offert à tous, c'est qu'il y a plus qu'une compagnie qui utilise déjà le nom App Store. D'accord. Ouais, donc, avant Windows, il y a personne qui savait du mot Windows pour quelque chose d'informatique. Mettons. C'est ça, exactement. Et donc, si Apple aurait été les seuls à l'utiliser, peut-être ça aurait été plus facile pour eux de garder le nom pour à eux, dans le fond, leur propriété. Il aurait fallu qu'ils s'y prennent d'avance, ben finalement. Ouais, c'est ça. Exactement. Il a fallu qu'il fasse au lancement du App Store, ouais. Du concept, en fait, du App Store. Ouais. Mais par contre, Apple a réussi quand même à avoir les droits pour c'est-à-dire un produit qui est non pas un produit, mais un mot, ou plutôt trois chiffres, qui est le 280. Ben oui, c'est quoi ça? Ça, le 280, c'est pour ce qui est, c'est-à-dire l'équivalent de Google Maps sur l'iPhone, le système de géolocalisation. Et sur l'icône, en fait, on peut voir l'affiche d'autoroute 280, ainsi que bon, une petite épine sur une autoroute. C'est que c'est l'adresse du Infinite Loop d'Apple, où, dans le fond, ils ont leur propre building. Et c'est l'adresse, dans le fond, d'Apple qui est à côté de l'autoroute 280. C'est ça. Et, c'est... Une rue qui est en forme de boucle infinie. Leur rue, c'est vraiment comme un genre de cercle. Donc, c'est pour exactement. Ça que ça s'appelle un Infinite Loop. Comme une piste de course, un peu du ciel. Et c'est ça, dans le fond, ils ont eu le droit de garder ce nom-là. Non pas le nom, mais juste le chiffre. C'est ça qui est bizarre. C'est le chiffre 280 qui appartient à Apple. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire une application, une icône avec le chiffre 280 dans un panneau de signalisation. C'est poussé un peu. C'est là. Ça, c'est n'importe quoi. Rendu là, ce qui accepte et ce qui refuse, là, c'est une règle floue. Il n'y a pas de ligne précise sur qu'est-ce qui est accepté ou refusé. Ça dépend vraiment de la personne, du juge. Exactement, Bert. On l'a vu dans d'autres nouvelles cette semaine que les jugements en cours, ça peut être particulier. Oui, on partira pas le débat. Non, on n'embarquera pas là-dessus, c'est peut-être mieux pas. On prendra pas l'échangeur Turcotte vers ça, c'est ça Turcotte? Blague d'autoroute et de violeur, de tueur à l'enfant, c'est incroyable. D'ailleurs, ça me rappelait, non, ben, je sais pas si c'est violent, en tout cas. D'homme violent. C'est ça, parce que ça me rappelait une blague de mauvais goût, tu sais, que je sais pas si elle a déjà été faite, vous me le direz, si vous l'avez déjà entendue, je vais essayer de la dire comme il faut. C'est ça. C'est Turcotte, c'est ça, Turcotte? Ouais. C'est ça. Je me demande si, quand il a présumément tué ses enfants, si c'est pour ça qu'il a donné autant de couteaux parce qu'il disait « Ah, crime, non coupable, non coupable, non coupable, non coupable. » Non coupable. Okay. Oh, mon Dieu. Oh. Trop loin? Non, ouais, peut-être un petit peu. Un petit peu loin, un petit peu comme le couteau de la télé, trop loin. Ouais, exact. D'accord. Ouf. Mais parlant de jugement, par contre, il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut ramener au niveau de la technologie. Je sais pas si vous avez entendu parler du scandale Twitter de Kim Kardashian cette semaine. Ben non, je suis pas les potins. Ben, je la suis pas, moi, Kim Kardashian, malheureusement. Moi non plus, mais ça a suivi les nouvelles et d'autres personnes en ont parlé. C'est que, en fait, lors du jugement, parce qu'il y a eu, bon, Turcotte cette semaine, mais il y a eu aussi Casey Anthony en Floride qui avait été accusé d'avoir tué sa fille. Qui est non coupable, en fait, elle non plus, de ses différentes charges de meurtre et juste coupable d'avoir menti à la police 4 fois. Exactement. Et Kim Kardashian, donc, s'est plainte sur Twitter en disant qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle avait été reconnue non coupable dans une affaire de meurtre comme ça. Mm-hmm. Sauf que, est-ce que vous savez qui est le père de Kim Kardashian? Mm. Il était, en fait, parce qu'il est décédé. Non. Non, c'était l'avocat de O.J. Simpson. Ah ben, ben oui. Oups. Ouais, donc, dans des trucs de procès pour meurtre et tout, peut-être qu'elle devrait s'abstenir de parler par rapport à ça. C'est juste Sandlin, je pense, c'est ça? Le nom du juge? Non, ça, c'était son avocat, je pense. Bref, peu importe. Ah, c'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. Mais bref, elle disait qu'elle a le droit à ses propres opinions, mais faut dire que, bon, on est t'as un nom de famille, t'as une réputation aussi associée à ça, ouais. Surtout quand ton père est un personnage assez important dans ce genre de truc-là. Mais c'est une petite parenthèse là, par rapport à Twitter. Ouais. La musique, est-ce que vous saviez que depuis 2004, donc si vous viviez dans une caverne, en fait, vous savez que depuis l'année 2004, les ventes de disques et les ventes d'albums sont en baisse partout dans le monde. Là, c'est incroyable. Hein? Arrête-moi ça, il n'y a plus personne qui achète ça, toi. Ben voyons donc. Vous placez avec un trou dedans. Oui, mais on peut remercier la musique digitale, par contre, parce que depuis... en fait, c'est la première fois depuis 2004 que les ventes sont en hausse. C'est-à-dire qu'il y a eu une hausse d'environ 4 millions cette année. Non pas 4 millions, mais 2 millions, c'est encore plus minime que ça, mais c'est un petit peu plus, donc c'est à peu près moins d'1% d'augmentation pour les ventes. Mm-hmm. On est passé de 153,9 millions à 155,5 millions d'albums qui ont été vendus. Et si on combine toutes les ventes de pièces, c'est-à-dire qui sont uniques, mais rafistolées en paquets de disques, un album, et bien on serait à 221,5 millions albums de vendus. Ah. C'est-à-dire une hausse de 3,6% dans les 6 premiers mois de cette année. Eh ben, moi, je me demande pourquoi la vente de CD augmente. C'est ce que c'est... si je prends moi comme exemple, c'est qu'il y a des disques souvent qui sont proposés maintenant avec le numérique instantanément, alors que, mettons, tu commandes le disque à 2-3 semaines d'avance, ils te donnent tout de suite la version numérique. Donc, ça donne une envie de plus pour moi d'acheter le CD puis de l'avoir plus tard en main propre. Je sais pas si ça aide des bonus comme ça de vendre. En tout cas, personnellement, moi, je trouve que c'est une très, très bonne initiative de la part des compagnies disques et des artistes. Bien souvent, il faut dire que c'est des artistes indépendants maintenant qui vendent leur album en premier. Les Beastie Boys avaient fait ça, entre autres, si t'achetais la version vinyle, même la version CD, t'avais des bonus, t'avais un vidéo bonus, t'avais l'album complet en MP3 avant même la sortie du disque en magasin. Donc, c'était vraiment génial. C'est une bonne façon, justement, de faire attendre les gens parce que sinon, ils vont aller tout simplement télécharger d'une façon pirate et acheter le disque après. Et voilà. En tout cas, moi, ça me convainc. J'imagine que je suis pas tout seul là-dedans. Je crois pas. Ah, moi aussi. J'achète de plus en plus de CD. J'ai recommencé, mais non pas des CD, mais des vinyles, mais j'essaie d'acheter plus de musique possible maintenant. On dirait que les gens, tranquillement, pas vite, se réhabituent à aller dans les magasins ou d'acheter sur Internet aussi. C'est très, très intéressant. Oui, tout à fait. Maintenant, parlant de magasins, eh bien la Wii U, on passe maintenant aux jeux vidéo par contre, devrait arriver vers le 1er avril 2012, selon TechCrunch. Un petit peu moins d'un an à attendre. La quoi, la Wii? La Wii U, c'est la nouvelle version de la Wii, c'est la deuxième génération, si on veut. C'est la nouvelle console, en fait, à deux écrans, c'est-à-dire un écran télé et un écran dans sa Wiimote, ouais, sa manette. Ça va être intéressant à voir. Oui. On dit, par contre, qu'elle va cohabiter avec la Wii, qui va toujours être en vente, rendue en 2012, probablement pour absorber la fin de la production de la Wii. Et pour faire un petit peu un petit dernier cash, un petit dernier bout de cash à la fin. Oui, c'est ça. Ils risquent quand même d'en vendre beaucoup parce que probablement ils vont la vendre moins cher étant donné que l'autre est sorti. Puis il y a probablement beaucoup de gens qui vont se dire ben quand même j'aurai un écran sur ma remote, ça me dérange pas, je vais avoir vraiment la vieille version puis ça fait autant la job, je pense. En tout cas, moi, ça serait mon opinion. Ben moi, ça me rappelle un petit peu quand ils avaient présenté la DS et puis qu'ils disaient que le Game Boy allait rester un des piliers de Nintendo. Ça a comme pas tant duré longtemps, tu sais. Ils ont sorti le Game Boy Micro, puis après ça, ça... Oups, bye-bye. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ouais. On fait des changements quand même assez vite dans cette industrie-là. Ouais. Par contre, le fait de faire rivaliser, si on veut, les deux ensemble, la Wii U et la Wii, c'est peut-être un signe que le prix de la Wii U sera peut-être pas aussi élevé qu'on pourrait le penser, puisqu'on peut facilement comparer. Je veux dire, la Wii est vraiment pas chère comparée déjà aux autres console et cette nouvelle console de Nintendo pourrait être aussi intéressante à acheter si elle est pas chère. Et qui va fonctionner avec les anciens jeux de Wii aussi. Exactement. Ah, ce que j'ai de la misère à comprendre de la part de Nintendo, c'est que s'ils laissent les deux ensemble, il me semble que ça enlève pour certains le choix. T'sais. Si tu te présentes au magasin, tu as le choix entre la Wii qui coûte un certain montant puis la Wii U qui coûte, bon, disons, 100$ de plus. Tu as un choix à faire et puis certains vont choisir pour le côté argent, donc ils viennent de peut-être perdre l'opportunité de vendre une Wii U de plus. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Tu sais, moi, je serais plus porté à acheter l'autre, étant donné que la différence sera peut-être pas si grande que ça. Je connais pas les caractéristiques de la Wii U, là. Mais en tout cas. Il y a plein de belles choses à voir, on pourrait rentrer dans les détails, mais plein d'affaires que tu peux tenir ta manette devant toi, puis ça va comme élargir le champ de vision en bougeant ta manette. Bref, plein de choses vraiment cool avec ça. Puis jouer à un jeu quand la console est ouverte, tu peux changer de poste sur ta télé et continuer de jouer à ton jeu sur ta manette. C'est ça, ouais. Si les gens veulent se faire une image aussi, on peut dire que c'est comme un iPad avec des boutons de Nintendo. C'est ça. Et qu'il n'y a pas l'air aussi confortable. Est-ce que ça doit être lourd un peu? Dur à dire, on sait pas encore exactement le poids, je crois pas. Il y a très peu de gens qui ont essayé. Ils ont très peu de gens qui ont essayé la manette, donc on sait pas vraiment le poids que ça peut avoir. De toute façon, c'est un prototype et ils ont dit que ça se pourrait que ça change visuellement parlant. Okay. Bon. Donc voilà pour la Wii U. Oui, et on termine en fait avec un petit côté écologique. On se demande si le courriel pollue. Et si c'est le cas, ce qui pollue beaucoup, il y a une étude qui a été lancée cette semaine qui dit que un courriel d'environ 1 mégaoctet qui reste sur l'ordinateur, sur l'écran pendant 5 minutes, mais qui reste stocké pendant un an, dégage des émissions de CO2 de 19 grammes. Ah, parce que les serveurs, l'électricité et tout ça. Exactement. Mmh. Et on dit que mettre 10 autres destinataires sur le courriel va multiplier par 4 l'impact en termes d'émissions. Et que si une compagnie réduisait de 10% l'envoi des courriels dans une entreprise de 100 salariés, on aurait un gain d'environ une tonne d'équivalent CO2 sur un an, soit autant que les émissions d'un vol aller-retour pour Paris-New York. Hey, t'imagines si le spam arrêtait, comment ça pourrait en sauver? Mais oui. C'est incroyable. Mais pourquoi le courriel plus que, une page normale qu'on laisse ouverte très longtemps? En fait, on sort du courriel comme exemple, mais ça peut être vraiment n'importe quoi qu'il y a par rapport à Internet. C'est que bien souvent, les serveurs sont alimentés par des sources d'énergie qui sont pas vertes. Il arrive qu'on a besoin d'une demande en énergie quand même assez haute. Et la seule façon de combler ça, surtout aux États-Unis, lorsqu'on est dans le sud, il n'y a pas beaucoup d'eau, on n'a pas d'hydroélectricité. Le solaire coûte trop cher, l'éolien, on oublie ça. Donc, c'est des centrales au gaz qui vont produire l'énergie ou des centrales au charbon aussi. Ok, je comprends. En tout cas, moi, je trouve qu'il devrait... Si Gmail, mettons, on parle de Gmail parce que c'est ce qu'on utilise, mais voulait être plus vert, là, peut-être qu'il pourrait inventer un appareil ou un logiciel qui servirait à détecter le spam plus vieux qu'un certain temps, un laps de temps. T'sais, mettons, après 2 mois, tous les spams sont automatiquement effacés et comme ça, ils pourraient réduire la grosseur de leur serveur et réduire Mais moi, j'en reçois pas de spam avec Gmail. Ben, c'est parce qu'il s'en va directement dans le dossier spam, mais il est quand même sur le serveur. Si tu vas dans le dossier spam, c'est parce que j'ai jamais fouillé là-dedans. C'est ça l'affaire. Ça existe quand même. Comme tes courriels effacés, quand tu as des filtres dans Gmail, parce que tu peux tout filtrer vers ta poubelle, ils sont quand même sur le serveur à quelque part pour que tu puisses retourner et le remettre dans ta boîte web. Donc, il faudrait que j'aille supprimer souvent. C'est ça. Je sais que le spam, après 30 jours en tant que tel, il vient s'effacer de ta boîte, là, mais tu sais, ça pourrait être amélioré encore plus que ça, mettons. OK. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que, bon, on parle de Gmail, mais Google font beaucoup d'investissements dans les technologies vertes. Ils essaient vraiment maintenant d'utiliser soit les panneaux solaires, même, je sais pas si on fait des essais avec l'éolien, mais ils essaient d'avoir une source d'énergie la plus verte possible pour leurs serveurs, etc. Donc, on peut dire que du côté de Google, c'est quand même assez bien, mais c'est vrai qu'ils pourraient mettre de l'avant des trucs comme ça, surtout par rapport au spam, qui est incroyable. On parle du fait que Google, je me rappelle plus exactement la nouvelle, mais 10% de leur temps qu'ils ont droit de passer sur des projets personnels autres que le logiciel sur lequel ils sont attitrés, disons Gmail, ils peuvent passer leur temps à inventer quelque chose de nouveau chez Google, et puis ils s'en servent pour des fois faire des produits comme pas super intéressants, des affaires qui donnent pas grand-chose après 2-3 fois. Ils pourraient se centrer sur du verre, certains d'entre eux. Ils pourraient se centrer sur le verre un petit peu plus dans leur projet. Sur le verre, oui. Ouais. Au lieu de mettre des lettres rouges et des lettres jaunes, ils pourraient les mettre toutes vertes. Voilà. Ça fait un beau doodle, un Google doodle, les petits dessins sur le point. Est-ce que c'était ta dernière nouvelle? Oui, c'était déjà la dernière nouvelle. Ça passe vite quand on parle de technologie. J'ai appris beaucoup, j'ai bien aimé ta chronique. Très intéressant. Ben, merci beaucoup. Super, ça. Mais merci beaucoup, Simon, puis on va te retrouver la semaine prochaine. Effectivement, la semaine prochaine, je vais essayer d'être là en chair et en œuf. Super. On dit que... Est-ce que tu as une émission ce soir, finalement? Je crois pas, non. Je serai pas dans la capacité de me rendre. Bon prompt rétablissement de ton dos. Merci beaucoup. Pauvre petit. Tu vas être là, par contre, demain pour l'émission Album Classique. Oui, je vais tenter de me hisser contre vents et marées et aller animer quand même album classique et rock classique, co-animer rock classique. Voilà. Donc, album classique, c'est à 10h. Oui. Et rock classique, c'est à 11h. Et puis, sinon, en tout cas, j'espère que tu n'auras pas à faire une chronique d'une heure et demie par téléphone. Ça pourrait être difficile pour toi. Oui, effectivement. Bon, à la semaine prochaine, Simon. Merci. Salut. À la semaine prochaine. Bye. Donc, Simon Fitzbay en direct de son laptop. Sur Gmail avec le nouveau service de chat audio. C'est génial. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis avec Myriam Fugère et Mathieu Plante. Comment on appelle ça cette émission-là aujourd'hui? Une émission. Plante et Fugère! Comment? Plante et Fugère. Plante et Fugère, voilà. C'est une façon de te le faire. Ben oui, ça ressemble un peu à une émission de Canal Vie. Quand même, hein? Plante et Fugère. J'aime ça. On devrait déposer ça. On devrait en parler à Saskatoo. Oui, Saskatchewan. Oui, c'est ça. Ouais. Saskatchewan, oui, quand même. On pourrait aller faire une émission comme Assemblage requis, c'est qu'il n'y a rien à voir avec les plantes et les fugères, mais l'appeler plantes et fugères, ça serait pourquoi pas. On est rendu à l'autre bloc de palmarès. On va entendre, deux petites pièces pour terminer cette heure. Tout à l'heure, il va y avoir Kid Sentiment en 10e, mais avant ça. Avant ça, on a Embarque ma belle, un nom très original de Jean-Philippe. J'avoue que si t'es pour appeler une pièce comme ça, appelle-la pas comme exactement pareil comme une pièce super cliché de qui déjà? Quin. Mais bon, trop tard. Peut-être qu'il était pas pour, hein? Ben ouais, peut-être. Ben ouais. Pas leur chance. Quand même, j'ai pas de C'est pour ça qu'on fait pas de météo ici, parce qu'on est en direct d'un bateau de croisière. Fait qu'à un moment donné, ça serait tout le temps, il fait beau! On a le soleil d'en face! C'est un peu comme les stations de télé en Californie, genre. Ils sont tout le temps en train de dire, bon, c'est beau! Puis, mais écoutons, hein. Ah, il va y avoir un ouragan, une tempête. Ouais, ça peut arriver. Une petite pluie, quelque chose. C'est un événement dans ce temps-là. On vient d'entendre Kid Sentiment avec Insomnie, ça descend d'une place en 10e position francophone. Et avant ça, c'était Jean-Philippe avec Embarque ma belle, qui est stable en 11e. On va terminer l'heure ici, et tantôt, on va revenir. Qu'est-ce que tu me joues de la petite. Ben, je jouais du carré dans ma tête. C'est un peu ce que tout le monde fait, je pense. Hein? Et quel mauvais choix de titre. Mais bon, dans la troisième heure, tout à l'heure, on va avoir entre autres la chronique C'est un fait, ça s'en vient. On va voir aussi les excellentes chansons du Globe de Peter Peter, de Majub et de Tracteur Jack. Et on va sûrement trouver d'autres affaires à faire que ça. Mais oui, d'ailleurs, au retour, j'aimerais ça vous parler de Facebook, de votre utilisation de Facebook qui peut être parfois abusive. Vous êtes des geeks beaucoup trop, là. Ouais, et il y aura ma chronique culturelle aussi. Merveilleux, on attend ça dans la troisième heure et dans le reste de l'émission. Restez là. Ouais. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa, makes me wanna smoke crack. Yeah. Bon, attends, c'est la troisième heure de la vie de croisière d'Assemblage Requis en ce jeudi. Oh, j'ai fait un saut. J'ai parlé. Donc, oui, en direct le jeudi, on rappelle le samedi et le lundi. Si vous écoutez en rediffusion, ben merci. C'est fort, fort sympathique. Vous pouvez nous écouter en direct le jeudi. On va encore plus aimer ça. Ben oui, c'est fun. Vous avez l'impression d'être sur notre bateau. Ah, un bonjour spécial à cette île. Salut, cette île. Mon c'est ami. Personne, ben non, mon ami Nadia Dorval qui nous écoute à cette île. Salut, Nadia Dorval. Qui ne nous écoute pas de Dorval, mais bien de Sept-Îles. Oui, de Sept-Îles, exact. D'accord. Alors, merci aussi tous les autres gens qui nous écoutent en ce moment. On l'apprécie énormément. Mais oui. Oui. On va continuer avec un autre blague de palmarès francophone à l'instant. Tout à l'heure, il va y avoir le Globe avec 77 en 8e position. Et puis, tout d'abord, en fait, on y va avec Malajub et Synesthésie. Ça commence lentement. Attention. Et... dans ta face! J'ai encore fait un saut. Okay. Et ta mouille. Lève la patte. Oh! Le Globe avec 77 en position numéro 8. Ça descend d'une place. Je sais pas s'il y a une semaine où on était en 7e position, puis 7e position se me passait pour que ça fasse 77 comme le nom de Hanson. Mais oui, presque 666 alors que c'est plus 777. C'est plus chanceux, hein, ce qui est quand même assez bizarre que le chiffre 6 puis le chiffre 7 soit un côté de l'autre. Hein. Oui, exactement. Quel fait incroyable on vous offre ici à la vie de croisière d'Assemblée. Mais on a hâte d'entendre les autres. Ah ouais, t'en veux d'autres? Ben oui, j'ai très hâte. Ben bien, la chronique, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, les 3 V ou les 4 doigts laser, même si c'est 3 V de même. Ok, oui. C'est, j'essaie de partir une mode, mais ça marche pas. Les 4 doigts de même. Là, vous le voyez pas, mais. Ben, les 4 doigts, tu peux pas mal juste les mettre, à moins que tu les mettes par... Non, mais d'un coup, qu'on choisit le pouce. Ah, j'avoue. Mais ça me fait 3 V pareil. Hey. Peu importe les doigts que tu choisis. Yes. Il y a aucune évidence qui montre que les Vikings avaient des cornes sur leur casque. Aucune évidence. Aucune. Fait que peut-être que ça a été inventé par quelqu'un, on sait pas. Ça sort de l'imaginaire collectif, peut-être. Peut-être bien. Et bon. Selon un sondage de 2008, les Britanniques qui sont mariés ont plus de chances de se divorcer que de changer de banque. Quand même, hein? Qui a décidé de faire cette comparaison-là? On n'a pas encore de cure contre le cancer, mais on sait par contre que les gens se divorcent plus que changent de banque. C'est un banquier divorcé qui a trouvé ça, je pense. Peut-être. Ils veulent juste pas qu'on change de banque. Ouais. C'est peut-être ça. Ouais. Sox. Je sais pas si ça te dit quelque chose, le nom Sox, S-O-C-K-S, le pas Sox. Comme les chaussettes. Exactement, exactement. Ouais. Chaussettes, dans le fond, était le nom du chat de la Maison Blanche des Clinton. Il s'appelait Sox. Et il a presque eu son propre jeu vidéo sur Super Nintendo qui allait s'appeler Sox the Cat Rocks the Hill. Pas pire, hein? C'est très hot. J'aurais aimé ça. Heureusement, il n'était pas rouge. Ça aurait pu faire de la partisanerie. Colin, un chat roux. Ouais. Toi, t'aimes ça les roux poilus, fait que ça... Tantôt, au début de l'émission, on disait qu'elle aimait les relégats roux poilus. Oh, c'était pas tout à fait ça. Non, pas exactement. On parlait de Ryan Dunn. Ah, d'accord. Qui était très, très, très cool. Malheureusement... Très, très, très, très, très, très, très done, finalement. En 2009, Josh Musinski, d'accord, a utilisé sa carte Visa pour acheter des cigarettes. Par contre, il y a eu un bug chez Visa. Il a été chargé 23 quadrillions de dollars. Ça, c'est 23 avec ensuite 1, 2, 3, 4, 5 paires de 3 chiffres. 5 paires de 3 chiffres, ça se peut même pas. 5 du trio. 5 triolets de chiffres. Et voilà, triolets. J'aime ça. Ah, j'aime ça, moi aussi. Je sais pas si ça se dit plus, mais en tout cas, ça sonne mieux que les duos de trois chiffres. C'est plus chic, plus classe. Les Cheerios, au début, ça s'appelait des Cheerios. Tu sais, oats, comme, c'est quoi, du son, je pense? Oui. Cheerios, eh bien. Ah. Super, hein? Ben, écoute donc. On apprend des choses. Ben oui, ils ont utilisé, d'ailleurs, la nouvelle publicité de Cheerios a utilisé la chanson « On va s'aimer encore » de Vincent Vallière. Tu sais quelle chanson je parle? Oui, je sais, mais j'essaie de voir le lien avec les Cheerios. Ben, moi non plus, mais c'est parce que en fait, t'as comme l'homme avec les enfants qui donne des Cheerios aux enfants. Puis, c'est les petites choses de la vie, là, un peu comme il parle dans la chanson. Là, c'est peut-être ça l'idée. Mm-hmm. J'ai vu une pub aussi, là, je me rappelle pas pour quelle céréale, mais il me semble que c'était Cheerios, puis je pense que c'était Miel et Noix. Où t'avais des gens dans une aréna ou quelque chose de genre, ou peu importe, un match sportif, ça. Puis là, genre, je sais pas, il y a plus de peanuts, n'importe quoi. Puis là, finalement, ils distribuent les Cheerios à tout le monde capote. Comme, yé, les Cheerios. Non, c'est pas crédible, non, mais non. Mais c'est ce que, tu sais, des Cheerios, on s'entend-tu que. C'est bon, là! Oui, là, mais on verra pas quoi que ça, là. Pas de quoi s'exciter, là. J'aimerais mieux avoir des Lucky Charms, mettons. C'est ça, oui. Des Cinnamon Toast Crunch. Miam! Tu vas me donner faim, j'ai pas déjeuné, j'ai pas dîner, ouais. Eh oui, t'avais de tomber à côté de moi. Probablement. En 2005, la cour en Allemagne a dit que Walmart, que les employés de chez Walmart, d'accord? Attends, on recommence ça. On des dit comme associés. Faut. On recommence. En 2005, la cour allemande a dit que Walmart ne pouvait pas empêcher les romances, les histoires romantiques entre les employés. Attends, les associés. Les associés, tu viens juste de me dire. Oui, ce sont des associés. Les associés qui font une petite chanson le matin. Ouais. Ils disaient qu'ils ne pouvaient pas bannir donc les workplace romances ou encore sexually meaningful communication of any type. Donc, n'importe quelle communication sexuelle. Avec raison d'être, genre meaningful. Hein? Alors, bref, c'est ça. Ça, c'est en Allemagne. Bon, on sait pas pour ailleurs. Saviez-vous que Barry Manilow, tout le monde aime Barry Manilow? Nommez-moi une chanson de Barry Manilow. Là. Barry, mais bon, je suis pas capable de t'en nommer. Ah, regarde-moi l'autre. Très honnêtement. C'est lui qui a écrit les chansons, les jingles de State Farm. C'est Like a Good Neighbor, State Farm is there. C'est lui qui a écrit ça. Une chanson de publicité. Ou encore celle de Band-Aid. Peut-être que là, tu la connais plus, la chanson de Band-Aid. I am stuck on Band-Aid brand, cause Band-Aid stuck on me. Oh oui! Ouais, genre, c'est pas les bons mots, mais en fait. C'est le bon. Oh oui. C'est lui qui a écrit ça, Barryman. Sont tellement mignonnes, les publicités de Band-Aid. Mm-hmm. Les petits enfants qui jouent avec des crapauds dans la boîte. C'est joli, joli, joli. C'est beau, bout. Cherche des chansons de Barry Manilow parce qu'on est vraiment comme super incultes ici, là, avec nos, nos artistes clichés pop. Clichés pop, clichés pop. Quand, la page est bien trop longue. Donnez-moi des chansons, donnez-moi des chansons. Ah, regarde, les enfants. Ben ouais, c'est pas. En tout cas, il a fait Band-Aid. Oui, c'est ça. Mais on il a sait fait toujours des. Bien. Il a fait des hits aussi. Mais a-t-il écrit les paroles? Ouais, c'est, je sais pas. Non, ça doit être juste la musique. Les paroles, ça doit être des publicistes. Ouais, des gens qui savent vendre des choses. Ils sont calés là-dedans. C'est là. Ceux qui trouvent des slogans, tu mettons. Alors, je n'aimerais pas des slogans. Ça a beau y manger, non. J'allais faire des slogans de radio, mais je t'aurais offusqué. Adolf Hitler jouait aux échecs à tous les jours. Ah, c'est d'où l'espèce de stratégie là, qu'il y avait dans ton... Et voilà, il jouait avec, avec les Blancs. Quand même, il jouait avec les Blancs. Ben oui, c'est lui qui commence. Ben c'est ça. Et insistait de toujours remplacer un de ses bishops, c'est quoi? C'est le fou du roi, je crois, par une deuxième reine. Ben voyons. OK, fait qu'il trichait. Ben c'est à peu près ça. Peu près ça. Ben, sympathique. Devine le deuxième nom. T'sais, les Américains ont tous un deuxième nom. Bon. Michael J. Fox, le J, veut dire quoi? Jared. Jared. Jonathan. Non, non, non. Jill. Non, c'est féminin un peu, non? Non, OK. C'est Andrew. Michael Andrew Fox, c'est Michael J. Fox. Voyons c'est ça. Super, hein? C'est donc bien bizarre. Il va avoir décidé de prendre mais un... Mais le J, c'est quoi, de bord? C'est juste pour être beau. Comme Michael J. Fox. C'est beau, rare. C'est très beau. En 1981, Deborah Ann Fountain, qui est Miss New York, est devenue la première participante à au concours Miss America à être disqualifiée pour utilisation illégale de padding pendant la compétition de maillot de bain. Elle se padait. C'est quelque chose, hein? 81. Utilisation illégale de padding. Ça a l'air officiel, je trouve. Ouais, exactement. C'est illégal. Illégal. Hey, un instant. Ben oui. Sors-nous la peau. Non, c'est ça. Tu l'as tellement bâché tantôt. On n'a pas le droit, le droit d'auteur pour la diffusion de cette chanson ici. Le symbole d'infinité s'appelle aussi l'hemniscate, qui est un mot en latin qui veut dire d'avoir un ruban, ribbon, d'avoir un ruban. Donc, c'est le symbole d'infinité. Tu sais, c'est comme un genre de 8 sur le gros thème. Ouais, ouais. C'est joli. Ah. Okay. Un groupe à New York a proposé un plan qui amènerait une piscine en forme de plus dans la East River de New York. Donc la piscine serait 4 piscines arrangées ensemble en forme de plus. Le projet de la piscine va avoir un système de filtration super 2011, le full state of the art. Si ça fonctionne, la piscine va être dans l'eau de la East River et donc va pouvoir utiliser l'eau de la piscine dans la rivière, l'eau de la rivière dans la piscine. Filtration, tout ça, ça va être une piscine dans une piscine, finalement. Une piscine publique. Une piscine publique dans une piscine. C'est spécial. Il faut aller voir le site sur assemblagehockey.com. En plus, est-ce qu'on sait pourquoi? En plus campinette. Je sais pas, mais le nom du projet, c'est pluspool.org, donc j'imagine que ça faisait joli d'avoir plus pool. Pluspool. Pluspool! C'est le fun à dire. C'est très beau, très très beau. Pluspool. Allez voir ça sur pluspool.org. Le premier film d'Arnold Schwarzenegger. Le Governator, l'ex-Governator. Son premier film, Hercule à New York, ou je sais pas si c'était comme ça en français, sûrement qu'en français, c'était genre Drôle d'Hercule ou quelque chose comme ça. Hercules in New York était tellement mauvais. Toujours sur les films en France. Hein. Était tellement mauvais que les droits du film ont été vendus aux enchères via eBay pour 550 000 bidous. Voyons. Incroyable, hein? C'est un film... Quelle idée. Un film d'action-aventure qu'a filmé Arnold Schwarzenegger quand il avait 22 ans. C'est un des films qu'il regrette d'avoir fait parce que à cause de son accent, toutes les répliques d'Arnold Schwarzenegger ont dû être redoublées par quelqu'un d'autre dans le film. Imagine. Tu sais, en français, on est habitué de voir des voix doublées. Fait on est habitué à ça. Mais en anglais, non? Pas habitué. Non? Pas habitué à ça. Ben voyons. Il joue le rôle du dieu grec Hercule qui arrive d'Olympus pour avoir une aventure sur Terre. Il a interagi avec les gens de New York où, d'ailleurs, on dit qu'il est physiquement supérieur à eux, mais qu'il ne comprend pas les normes sociales. Un peu comme dans le film Thor. Ça rappelle un petit peu le film Thor. Selon la description du film, on dit que ça n'a pas été rencontré très, très bien par le public. Le public n'a pas apprécié ça. Bref, la compagnie a mis ça aux enchères sur eBay et puis ils ont débuté le prix à 550 000 $ mais ça ne dit pas à combien ça a fini. J'imagine OK, je pensais que ça avait... Ben, ça a dû finir à 550 000. Je pense que c'est ça, moi aussi. Je pense que c'est ça. Ça n'a pas monté plus que ça. Ça doit pas. On parlait de Ryan Dunn tantôt. Parlons un petit peu d'un gars qui s'appelle Jackass lui-même et qui a poursuivi MTV pour empêcher la diffusion de la série Jackass. Ah ouais, puis quelle est l'issue de tout ça? Ben, Jackass, donc anciennement connu sous le nom de Bob Kraft. Poursuivi MTV en 2002 pour 10 millions de dollars pour infraction, avoir utilisé son nom, donc avoir diffamé, si on veut, ou défait sa réputation. Kraft a changé son nom pour Jackass en 1997. Ça faisait partie d'une campagne pour comment t'appelles ça? Quand même, j'ai pas le mot avec moi. Faire comprendre là, que c'est pas bien de boire au volant. Là. OK. De prévention? Prévention, c'est à peu près ça. Uh-huh. Évidemment, ben, on n'a pas gagné parce que sinon, ça dirait dans l'article qu'il a gagné. Donc, on peut s'imaginer qu'il n'a pas gagné. Et puis, ils ont ça, dû rire de lui, me semble. Ils ont dû rire de lui, en effet. Et ce qui est bizarre, comme on le disait précédemment, Randon qui est mort dans un accident de voiture après avoir présumément bu. C'est ce que les médias avaient l'air de dire il y a quelques semaines. Donc, Jackass, un gars nommé pour la prévention de l'alcool au volant. Mais bon, après. Ben, écoute. Un Anglais a tiré sur son propre doigt avec un fusil pour essayer de se débarrasser d'une verrue. Sean Murphy a finalement perdu presque tout son doigt. Et comme c'était pas assez mal, ça, il a été... je me rappelle jamais comment dire chargé, mais en tout cas, bref, ils l'ont arrêté pour possession illégale d'une arme à feu. Murphy dit qu'il a trouvé le fusil dans un buisson. Il a dû payer 160$ de coûts de cours. Il a dû compléter 100 heures de services communautaires. Mais il dit quand même, et je cite, « La meilleure chose, c'est que ma verrue est partie. » Parce qu'elle me donnait beaucoup de problèmes. Seigneur, une verrue. Garde-la, ta Moses de verrue. Il annonce des produits à TV pour enlever tes verrues à la pharmacie. Genre. Voyons. Arrête donc de tirer sur ton problème. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques, on peut pas trop rire de ça, mais quand même. Ouais, c'est mais une drôle de chose. C'est une drôle de décision. Ça veut dire que tous les zèbres ont des bandes uniques. Comme les empreintes digitales? Pire que les empreintes digitales, en fait. Les bandes des zèbres, donc, sont les marqueurs les plus distincts dans le royaume animal. Mm-hmm. Allons-y, singulier aussi. Comme les empreintes digitales d'un être humain, il n'y a pas deux zèbres qui sont exactement pareils côté bandes. Même s'il n'y a pas deux zèbres qui sont pareils, en général, les bandes d'une espèce de zèbre, j'imagine, fait qu'on peut le différencier en genre de groupe. C'est comme un code-barre. Un genre de code-barre. Mais le principe doit rester le même, mettons, avec les léopards, avec les vaches aussi. C'est peut-être plus ça qu'ils veulent dire, en effet. Avec tout ce qui a une tache. Dans la même variété d'animaux, on peut savoir dans quelle espèce ils sont. Bref, voilà, aucun zèbre avec les deux bandes pareilles. Les bandes pareilles sur deux zèbres. Bon. Une femme du Kansas, on parlait de faits divers drôles tantôt, a passé 2 ans dans la même salle de bain. Et a été prise après la toilette. La femme s'appelle Pam Babcock. Elle se faisait nourrir par son copain dans la salle de bain. Elle a passé au moins... Elle dit qu'elle avait passé au moins 1 mois sur la toilette quand les autorités sont arrivées en 2008 et l'ont enlevée de là. Il y avait des genres de boutons sur sa peau et qui ont commencé à pousser autour du sage de toilette. Son copain s'appelle Corey McFerrin qui dit qu'elle ne voulait pas quitter la salle de bain parce qu'elle avait peur de voir sa famille. Donc, elle est restée 1 mois sur la toilette physique. Là. Et après ça, donc les 2 ans, c'était dans la salle de bain en général. Tu sais, son chum pour l'aider pourrait enlever... les boutons avec un fusil. C'est ça, mais il voulait pas voir sa famille, fait que même s'il y avait voulu. Ben oui, mais Moses déménage, je trouve. Trouve une autre solution. Change de nom comme les criminels. Comme Jackass, c'est ça. Son copain a passé 6 mois en probation. Je sais pas pourquoi. Là, je pense que c'est parce qu'il a maltraité un adulte dépendant. Pour incarcération. Je sais pas. D'ailleurs, yeah. C'est donc bien ridicule. Ok, quelques petits derniers. La voix de Woody, la poupée Woody dans les films Toy Story n'est pas Tom Hanks. C'est son frère Jim dans certaines versions de Toy Story. Ouais. Donc, Jim Hanks, son frère, qui est aussi acteur, a plusieurs rôles à la télé et au cinéma. Entre autres, il est la voix de Woody dans Toy Story et il joue Woody dans pas mal toutes les apparitions de Woody qui ne sont pas les films, dans le fond, si je comprends bien. Il était aussi le double de Tom, donc son frère, dans Forrest Gump, quand Forrest Gump courait. C'est dans le fond Jim qui courait. Je sais pas si c'est parce que Tom voulait pas courir. Ouais. Pourquoi pas ça? Ouais, c'est ça. Trop faible, il voulait pas trop suer et de faire son visuel. Ah ouais, je l'aime assez, je chanterais que je suis déçue d'apprendre ça, qu'il voulait pas courir. Je sais pas si t'aimerais autant, Jim. Va voir sur assemblagerequipe.com. Je vais aller voir ça, quoi, il y a l'air, Jim. Un kung-fu masseur qui est capable de percer, en fait, de faire fonctionner une drill sur le côté de sa tête sans être blessé, sans aucune douleur, en tout cas, sans percer, si on veut. Il s'appelle le Master Wu Kyung, ou encore son surnom Unbreakable Body, le corps imbrisable. capable d'appuyer une drill contre sa gorge, son estomac et plein d'autres endroits sans avoir aucune blessure. Pour prouver que la drill fonctionne, après ça, il va percer du métal, du bois puis du plastique pour prouver que la drill est vraie et véridique. Véritable et véritable. Ah ouais! Ouais, et aussi, il attrape des scies électriques pendant qu'elle marche aussi. Ouais, ben là, il y a rien là, moi, si je suis capable. Oui, oui. Ça a l'air tellement véridique, tu fais tellement des beaux effets, ça va. Et un dernier, je vais y aller avec un dernier, tiens, pour cette chronique. Si un cycliste sans casque est mort après avoir fait une culbute, un accident, il est passé par-dessus les poignées de son vélo et il est mort parce qu'il portait pas de casque. Et il faisait ça pendant qu'il faisait une protestation, une manifestation contre les lois qui forcent les gens à porter des casques. Phil. Ironie totale. Ironie. Ouais. C'est Philip Contos, son nom, Contos, qui faisait une manifestation à New York organisée par American Bikers Aim Towards Education. Non, ça, je pense que c'est la fin. American Bikers Aim Towards Education. Voilà. Abattez les casques. Et voilà. Ça dit que les accidents de motocyclette ont 40% plus de chances d'être mortels lorsque la personne qui se promène ne porte pas de casque. Voilà, c'est pour les motos. En fait, la loi était par rapport aux motocyclistes et non aux cyclistes en tant que tel. Parce qu'on mais c'est un cycliste qui est mort. Ça dit biker, mais je pense que c'est vraiment un motocycliste. Okay. Voilà. Voilà, pour la chronique, c'est un fait. Il y en aura une autre tantôt. Plus tard. Ah ouais? Supposé. Yes. Supposé. On veut pas tout promettre, là, mais c'est pour vrai. Pour l'instant, on va continuer avec notre bloc palmarès francophone. On était rendu aux positions numéro 6 et 7. Tout à l'heure, il va y avoir Tracteur Jack avec... Oh, parlant de moyens de locomotion. Tracteur Jack avec Paris-Robertval, mais avant. Peter avec Réfractaire. Ah ben, Peter. Peter. Pété. Oh! Pas la radio. Non, excuse-moi, pas là de faire ça. Non. Ici, on a tous les droits. Aucune sens. Surtout que je suis une fille, moi, je pète pas. Tu pètes des roses. Non, je pète pas du tout. Non, je pète pas, je suis une fille. Ok. Repassez. Terminé, il restera, j'oublie le mal, alors que je m'embrase aux étoiles et j'embrasse celle, bien que superficielle, elle me permet encore de rajeunir. Heureusement, mon cœur va de façon. Je ne vieillis pas.

mais pas souvent, moi, de dire. Parfois. Parfois. Ils font beaucoup de reprises à ce poste-là. Enfin, bref, il y a un sondage qui nous dit, en fait, qu'on est accro à Facebook, ce qui n'est pas le cas de notre compte Internet, à ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure. Non, il a fermé son compte il y a un bon bout de temps et ne veut pas revenir en arrière, ne veut pas se rejoindre à 2011. Bon. Donc, les jeunes adultes canadiens de 18 à 34 ans passeraient en moyenne 14 heures par semaine sur les médias sociaux. Ça équivaut environ, là, je te dirais, et c'est énorme, à un mois, jour et nuit par année. Ah, jour et nuit, là. C'est le 12e de l'année, finalement. Ouais, ouais, ouais. Un mois 24/7. C'est spécial, quand même. Donc, comme je vous disais, c'est un sondage qui a été fait par la chaîne Argent. Mais... en fait, non. Qui a été rendu public par NewWad et TNS Canada. Super. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais pendant 14 heures sur Facebook? C'est ça que je comprends pas, mais je veux dire... T'actualises, juste pour voir s'il y a un ami qui va te... Je veux une fois par semaine, puis ça me prend même pas 14 heures. Ben, honnêtement, là, moi, depuis que j'ai un iPhone, j'abuse encore plus. OK. Combien de temps tu dirais, j'ai un petit temps d'attente. Ben, c'est parce que c'est des moments courts. Mettons, j'ai peut-être un moment long par jour, là, qui regarde un peu tout ce qui s'est passé durant la journée. Précédant, bien sûr, mon survol Twitter. Bien sûr. Suivant. Je te dirais qu'à part ça, c'est, mettons, dans la journée, temps d'attente, un petit deux minutes, regarder s'il se passe pas quelque chose, si j'ai pas un message, si quelqu'un parle pas de moi quelque part. Ah, c'est un petit peu égocentrique. Un petit peu de narcissisme. Oui, oui. Non, mais vraiment, ou tu sais, voir l'anniversaire d'un ami que j'aurais pas, que je pourrais avoir oublié, quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est bien agréable de temps en temps. C'est juste que des fois, c'est abusif. Il y en a qui nous commentent vraiment tout ce qu'ils font dans la journée, matin, midi, soir. Puis ils vont liker leur propre statut et le statut de tout le monde. Oui, ça, c'est génial. Et le commentaire liker de chaque ton personne. Propre statut. Ouais, c'est super la fin. C'est vraiment excellent. Le problème que j'ai avec Facebook, c'est que depuis le début, je veux dire, ça fait quand même longtemps qu'on est tous sur Facebook et Twitter. Et j'ai comme eu plusieurs phases où j'ajoutais plein de monde. Puis, tu sais, je veux dire, tu finis par suivre tout sur Twitter. Tu suis toutes les personnes que tu peux rencontrer, toutes les vedettes de TV. Puis là, tu finis par avoir une surcharge. Tu n'es plus capable de suivre ça. C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui t'arrive en ce moment. Ben, tu sais, moi, j'ai comme principe de. Mettons, là, tu n'ajoutes pas une personne sur Facebook ou tu ne demandes pas une demande d'amitié à une personne sur Facebook que tu ne connais pas. C'est pas nécessairement une demande d'amitié. Que tu connais juste de vue. C'est aussi des likes de compagnie ou de différentes choses qui viennent polluer ton wall. T'sais, s'il pouvait y avoir une séparation entre mes amis, mettons, et puis les pages que j'aime, tu sais, ben, je pense qu'il y en a. Là, c'est ça, il y en a, mais ça devient compliqué de suivre chaque affaire. Oui, exactement. Mais des fois, c'est cool aussi quand on peut liker des trucs de compagnie et tout ça. Je te dirais, parce que des fois, c'est le fun, il y a des concours qui sont organisés, puis tu peux gagner des prix vraiment géniaux. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça vaut la peine, sauf que des fois, c'est sûr que c'est dur à suivre. Puis il y a toujours des amis, mettons, que tu dis, « Bon, lui, un long statut. » Bon, je le lis pas, là. Lui, c'est jamais si hot que ça, ce qu'il écrit. C'est jamais si intéressant. Moi, je suis très, très fan de bloquer et cacher les choses sur Facebook. Tu sais, quand tu mets ta main sur un statut, tu peux faire cacher tout par cette personne-là ou tout cacher, mettons, tel jeu. Social sur Facebook. Je suis très, très vite sa gâchette. Quelqu'un qui poste trop souvent, là, bye bye. Ben moi, je suis bien contente. On dirait que mes amis s'amusent beaucoup moins à jouer à des jeux sur Facebook. Mm-hmm. Donc, je suis bien fière d'eux. Ouais. J'ai une grande fierté sur mon wall. J'adore ça. Ou bien, c'est peut-être parce que je les ai déjà cachés et je ne m'en rappelle pas. Donc, fierté oubliée. Ouais. Donc, en fait, au cours du sondage, en fait, c'est plutôt Argent qui ont demandé aux jeunes lecteurs de TVA Nouvelles et de la chaîne Argent si eux aussi étaient incapables de se passer de réseaux sociaux. Puis on a comme réponse, je vais vous en nommer quelques-uns parce que c'est quand même fabuleux comme réponse. J'en suis incapable, j'avoue. Non, sinon je meurs. Non. Ensuite, je serais capable si je n'avais plus d'ordinateur. Fait que là, ça, je suis capable, mais ça me prend une petite botte aux fesses, là. Ça me prend une petite motivation. Mais il y en a qui se font leurs propres défis, hein. Bon, pendant 3 jours, là. Ouais. Ben, c'était qui parlait de ça? C'était, je sais que Marie-Pierre participait à ça. Je sais pas si toi aussi, là, vous avez fait un défi de, on n'utilisera pas de technologie. Non, j'ai dit que je serais pas capable. C'est vrai, t'as dit que tu ferais pas ça. Moi non plus. Mais non, mais je peux, tu sais, c'est parce que je l'ai au bout des doigts, là. Ouais. Tu sais, c'est un petit peu difficile. Puis, ensuite de ça, on a, non, je suis incapable. J'aime beaucoup trop patiner. Ça, j'adore ça. Ça fait très girly. Je peux, mais ça me tente pas. Donc, ici, on a un sentiment de libre-arbitre. Mm-hmm. On ne se le cachera pas, Facebook, c'est une vraie drogue. Si je n'ai pas ma dose le matin, je divague pendant le jour. Ah, wow. Hein, on se demande ce que nos amis font pendant ce temps-là. Ben oui. Moi, oui, je m'en suis passé pendant 3 jours et je ne suis pas mort. Donc, j'aime bien cette réponse-là. On a aussi, bon, je serais capable si on m'enfermait dans une cabane sans ordinateur et Internet. si je suis dans le fond du bois, ben là, on peut y repenser. C'est un peut-être. C'est un pensée-lien. Il y a aussi... ça me permet de garder un contact avec l'actualité. Ça, c'est le cas un peu pour Twitter. Des fois, on apprend des trucs avant sur Twitter. Mm-hmm. Ben, plus que sur Facebook, je trouve. Ouais. Je suis parfaitement capable de m'en passer quand je suis occupée ailleurs et que je dors. Je me lève pas la nuit pour checker mon Facebook. Ben non, hein? Ben non. Je peux pas m'en passer. C'est une drogue qui ne coûte pas cher. Et finalement, je réalise qu'à force d'être trop sur Facebook, je me suis éloignée de mes vrais amis. Je suis devenue antisociale. Donc, les réseaux sociaux rendent antisociaux, finalement. Ouais, antisociales. Antisocial. Ils peuvent bien passer 14 heures par semaine à avoir à lire 20 choix de réponses pour une question de même. Voyons, non? Eh oui. Prends 14 ans et répondre à ça. Non, je comprends pas. Moi, je passe 6 jours par semaine à pas m'en servir à chaque et unique semaine de l'année. Puis je vis très bien avec ça. Ça me va pas. Ah, c'est trop souvent. C'est pas ce qu'il te faut. Non. C'est pas ton lien. Pourtant, je dois être à jour absolument sur les choses qui m'intéressent. Puis non. Mais tu vas chercher tes informations ailleurs. C'est exactement ça. Voilà, tu fais une petite recherche. Et voilà. Bon. Parce que, avouons-le, ça nous donne tout cuit dans le bec. Exactement, c'est régurgiter l'information. Et parlant justement de tout cuit dans le bec, il y a une nouvelle application iPhone qui est sortie. Application probablement qui sera disponible sur Android également. Là, j'imagine que ça finit par se rejoindre à un certain moment. Je connais pas beaucoup la technologie Android non plus. En fait, c'est disponible gratuitement sur iTunes Store, donc ce qui est très store. Store. Store horizontaux. Ça faisait un peu publicitaire. La reine du tapis. Oui, exact. Ouais. Donc, en fait, c'est l'application Audiogramme. Oh! Puis, j'ai été vraiment très heureuse d'avoir cette application-là parce que, premièrement, comme pour nous appâter, ça nous offre une compilation de 8 titres gratuites. Oh! Donc, ça contient justement Peter, Pierre Lapointe, Yann Kelly, Alex Nevsky, Brandvan 3000, Carquois, Bia également. Puis, il y a Philémon Chante, que je ne connais pas. Moi, je suis allée la télécharger. Ouais. Et puis, malheureusement, j'ai comme pas eu l'occasion d'écouter encore. Là, je peux pas vous dire, mais c'est pour connaître, déjà, Alex Nevsky, Yann Kelly, en tout cas, la plupart des choses, c'est des groupes qui jouent ici en passant. Exactement. C'est pas que de la. C'est pas nécessairement que de la nouveauté. Ouais. Mais c'est ce qu'Audiogramme nous propose et je trouve que c'est très intéressant. Outre ça, on a des informations sur tous les artistes, soit de l'actualité, biographie, photos, vidéos, événements. Donc, quand ils sont en spectacle à quelque part, il y a des calendriers qui sont faits. Ensuite de ça, les vidéos des artistes sont disponibles également. C'est une application qui est très complète et puis c'est bien le fun quand tu cherches une information sur un artiste, tu l'as vraiment au bout des doigts sans nécessairement passer par Google. Super, on va se bumper ça. Ben oui, pourquoi pas? On va se donner un petit coup d'iPhone. Mais tu le disais tantôt, ce serait vraiment bien si tu pouvais bumper. On va mettre les gens en contexte. L'application Bump où tu peux t'envoyer des contacts et des trucs d'un iPhone à l'autre en ayant l'application Bump ouverte et en frappant littéralement l'iPhone d'un contre l'autre. On les accote ensemble. Puis c'est une excellente idée. Mais si on pouvait frapper, par exemple, un objet comme un CD, tu frappes contre le CD. Le CD est reconnu par iTunes. Je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner. Là. Vraiment, j'ai aucune idée comment ça pourrait fonctionner. Ben ça n'a aucune chance de marcher, mais bon, comprends. Ouais, exactement. Mettons, on casserait le CD. Mettons, tu frappes le CD en lisant par le fait même avec ta caméra le code barre, mettons. Toc, fling, tu sais. Là, ça reconnaîtrait sur l'iTunes Store, sur Amazon, et tu pourrais télécharger les chansons pour un certain prix, puis ta carte de crédit. Ping! Frappes ta carte de crédit, puis ça. Ouais, exact. Mais je pense qu'on devrait, cacher le code barre dans des magasins de musique, par exemple. Ah. Pas que quelqu'un s'amuse à se promener puis à tout scanner. J'avoue, les magasins de musique, hein. Pour l'instant, il y en a encore. Ben oui, il y en a encore. Ce sera pas toujours le cas. On salue les gens qui travaillent dans les magasins bonjour, de musique. Oui, bonjour, gens de magasins de musique, dont ceux qui annoncent sur nos ondes, qui sont en passant les meilleurs. Bon. On va continuer avec notre prochain bloc de musique. Ah, ils ont d'autres produits là-bas. Monogrenade et Martin Léon, c'est notre prochain bloc. Commençons d'ailleurs avec Martin Léon et la Chac. Le Chac à Chac qui sera suivi de... De Monogrenade et La Marge. À la vie de croisière d'Assemblage Requis. On demande pardon à tous les magasins de musique. Moi, j'aimerais avoir un petit cocktail là, pendant qu'on est sur le pont au soleil. Cool. On va à chasse? Ben oui, allons-y. On ira faire un tour. Okay.

mazout et de sel. Grenade et la marge en quatrième position qui descend de deux places. Et avant, c'était Martin Léon avec le Chac à Choc qui descend de deux places. Il nous reste encore un petit bout de temps avant de finir cette heure-ci. Hein. Un petit peu de temps. On va aller entendre un extrait du côté anglophone pour varier un petit peu. Mais oui, pourquoi pas? Je sais que t'aimes, en tout cas tout le monde aime, je sais pas si toi particulièrement, t'aimes le nom de la formation Enjoy Your Pumas. Ouais, c'est plutôt cool comme nom, je trouve. Très, très, très bon ça. On va aller entendre leur extrait Do It Every Day. Puis après ça, on revient avec le menu de qu'est-ce qui va se passer dans la quatrième et dernière heure. Parfait, je te suis. Tu me suis? Ouais. Chercher un café glacé au bord du bateau? Au bord du bateau. Au bord du bateau. You'll ask me this. La formation Enjoy Your Pumas avec Do It Every Day sur le palmarès anglophone. Ça, c'est en position numéro 5. Et puis, on va l'entendre encore une fois la semaine prochaine parce qu'on bascule d'un côté à l'autre du franco à l'anglo de semaine en semaine ici à la Ville Croisière d'Assemblage Rock. C'est la fin de la troisième heure. Il nous en reste une dernière. Et dans cette dernière heure-là, que de contenu. Que de contenu et le top 3, évidemment, mais sinon, surtout du contenu. On va voir ta chronique culturelle. Oui, que je vais faire avec plaisir. Je vous parle, entre autres, de l'expo de Trois-Rivières, d'une exposition au musée, d'une activité au musée qui tombe à point. J'en ai déjà parlé, mais on dirait que je voulais ajouter, mousser la publicité de cette activité-là. Comme avec une paille dans un verre. Oui, exactement. Oui. Je vous parle aussi du Festival d'été de Québec, donc restez là. Ben oui, restez avec nous. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. On ne vous laisse jamais seul bien, bien longtemps. Ici, la vie de Croisière d'Assemblage Requis. Elle, c'est Myriam Fugère, en remplacement de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oh yeah! Super. C'est Plante et Fugère, on dit une fois par heure, notre émission aujourd'hui. Ça y est, là, on débute. Plante et Fugère. Ouais. Voilà. Avec accompagnement de bibitte. Ouais, justement. Ouais. C'est pas voyons. Un bon bruit, ça. Non, ouais. Non, c'est plus beau sur de la peau, en effet. Ouch! Yeah. Ah, on tape les maringots, il y en a un tissu. Sur un bateau, c'est comme ça. C'est la forêt autour du bateau. En fait, il nous écrase. À la vitesse qu'on a. Oui, voilà. Dans cette dernière heure, il va y avoir, entre autres, une deuxième chronique, c'est un fait. On va essayer aussi de faire la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Ah oui! Oui! Ah oui! Mais on a surtout la chronique culturelle qu'on va faire à l'instant. Maintenant. Avec Myriam, mais ça mérite un beau petit... boing, boing, boing, boing, boing. La chronique culturelle avec Myriam. Merci Juliette pour cette belle présentation, comme toujours, de la chronique culturelle. C'est son nom, c'est Juliette. Juliette. Bon. Donc, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Myriam? Ben, en fait, c'est plus... allons-y pas nécessairement dans le culturel, mais plutôt dans les activités. Pour 12$ cette semaine, donc on peut se rendre à l'Expo de Trois-Rivières. Ça débute, en fait, le 8 juillet, soit demain. Hein? Demain étant vendredi. Si on s'est compté sur un calendrier. Oui. Donc, on peut se rendre compte que vendredi, c'est demain et que c'est le 8 juillet. Donc, que débute l'Expo de Trois-Rivières. Alors, vous avez des spectacles de clowns qui se trouveront là-bas, outre les manèges, bien évidemment. Donc, 12$, vous accédez à tout. Il y a aussi performance de Ben Milo, qui fait du motocross. Je sais pas si tu connais. Le motocross, oui. Enfin, Ben Milo, qui fait partie de la programmation entière. Là. Il est là 3 fois par jour, à peu près, pendant l'exposition. Et à tous les jours, à noter. Attends un peu, j'ai un jeu de mots. J'ai un jeu de mots. Faut que je te l'annonce à l'avance, parce qu'il est tellement drôle. Ils ont dit, tu sais, Ben Milo, quand même, il est cool, tu sais. Fait qu'ils l'ont mis là. Ils l'ont mis là. Milo. Quel gang. Okay. Oh, ben, donc, ensuite de ça, on a aussi le spectacle d'Éric Masson. Éric Masson qui fait de plus en plus de spectacles. Hein. On en entend beaucoup parler, je trouve, ces temps-ci. En tout cas, il en fait gros. C'est ça, il met son nom sur la map. Il se maçonne une bonne carrière. Bon, tu vas loin un peu, là, par exemple. Au lieu de façonne, mon gars, j'ai voulu participer, moi aussi. Est-ce que tu peux me donner une chance? Non, je te respecte, là. J'ai un respect énorme pour toi, Myriam. Respect. Donc, c'est ça, le spectacle de Ben Milo qui est samedi soir, si je me trompe pas. Et puis, il y a aussi des démonstrations de haute voltige. Je crois que ça doit être quand même très impressionnant. Ben oui. Je sais pas à quel niveau la haute voltige. On pitch quelqu'un dans les airs ou c'est la grande roue? Non! Enfin, bref. Est-ce qu'il y a encore des roll dogs? C'est comme un genre de pogo avec de la. Il y a que ça de bon, on dirait. C'est excellent. Il y a la pâte excellente que tu manges en premier comme une chip. Ah non, tellement j'adore bon. Ça. Moi, j'allais là. Faudrait que j'aille pour ça, en fait. Pour les manèges et les roll dogs. Mm-hmm. Les manèges, tous aussi. Pas dangereux. Et pas non, c'est ça, c'est rien que shake, hein. Jamais. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'entrer dans le manège qui s'appelle le Fireball. OK. Qui est en fait une roue dans laquelle tu revires sur toi-même, là, finalement, un peu, là, en tout cas. Puis, c'est comme un Super 8, mais en l'air. Mm-hmm. Enfin. Donc, j'embarque, mettons, au premier tour et je décide d'y retourner. Le deuxième tour, le banc à côté duquel j'étais assis marchait plus. Il bloquait plus, il barrait plus. Et ça te donne le goût d'y retourner. Ouais, hein? Ça, tu te dis, ouais, mais le prochain, c'est lequel? Le mien? On se carrait dans la destination ultime 3. Ben oui. 2, 3, en tout cas. Un des 7, là. Ouais, c'est ça. Un des meilleurs. Ouais, ouais. C'est dans le top 10, facile. Donc, ensuite de ça, on a aussi l'activité Verdict attendu, dont je vous ai parlé, je crois, la semaine dernière. C'est Véronique Cloutier, j'imagine qu'elle aime ça, non? Non, non mais okay. En fait, je trouvais que c'était très d'à propos. Hein. Tantôt, on se disait qu'on allait peut-être pas en parler longtemps, on lancera pas un débat. Mais je trouve que ça commence. Ben, en fait, ça commence aujourd'hui, donc c'est pour ça que je décide de vous en parler. Mais aussi, ça nous glisse dans la peau d'un jury, d'un membre d'un jury dans un procès. Mmh. Ça se passe à la prison de Trois-Rivières. Donc, avec l'affaire Guy Turcotte, je trouvais que c'était très d'à propos et que ça faisait une bonne pub pour l'activité. Tout à fait. C'est le moment choisi, en tout cas, pour démarrer ça. Oui, exactement. Ouais. En fait, ce qui n'était pas nécessairement planifié, là, j'imagine, parce que c'est dur de planifier un verdict de la sorte. Mais ça donne vraiment une bonne publicité. Puis, justement, ben, en te glissant dans la peau du jury, peut-être qu'on peut plus facilement comprendre une certaine décision qui a été prise. Donc, je vous invite à vous rendre là-bas. Donc, c'est à la vieille prison de Trois-Rivières, verdict attendu. Je pense que c'est pour 12 personnes. Donc, c'est important de réserver avant de vous y rendre. Il faudrait aussi simuler là, l'autre événement. Je ne sais pas si tu as lu ça dans le journal, je ne me rappelle pas lequel. De trois jeunes, je crois, dans le début de la vingtaine, qui se sont présentés dans un parc d'attractions Village Vacances Val-Cartier, je crois, qui était fermé, les barrières étaient fermées, fait qu'ils ont passé par-dessus les barrières, se sont enduits de liquide lave-vaisselle, et puis se sont lancés dans les glissades d'eau alors qu'ils mouillaient, et puis il y en a un qui a foncé dans le mur à la fin, c'est genre atrophié, ou en tout cas, blessé gravement aux jambes. Tu sais, je trouvais ça drôle, mais finalement, c'est pas non, si drôle. Pas tant drôle, mais en même temps, tu sais, c'est un peu de leur faute. Hein? Je connaissais pas la fin, là, mais, mais tu sais, des fois, on est artisan de son propre malheur. Voilà. C'est la sélection naturelle, certains disent. Oui, mais ils sont pas morts. En tout cas, donc ensuite de ça, on a un espèce de retour, parce que je pense que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de Lundi de l'humour au Manchester. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, c'est le show 3X des Lundis de l'humour, donc qui aura lieu lundi prochain, donc le 11 juillet. C'est en fait, un rodage du festival Juste pour rire, où je serai mardi, très hâte. Oui, je vais voir en première le spectacle d'Éric Salvaille, j'ai bien hâte, que j'adore beaucoup. Ensuite de ça, j'adore beaucoup, c'est redondant. Hein, on aime ça. Hein? Ouais. Puis, en fait, c'est présenté en primeur à Trois-Rivières. Et puis, on y retrouve Kathleen Rouleau, Martin Philippe et Mathieu Cyr, l'animateur, mais qui doit faire beaucoup de numéros à ce moment-là. Donc, c'est 8 $, pas cher, 20h30. On peut aussi commander sur la... Pas commander, mais faire des réservations sur le wall de la page Facebook. Ah, tu vois, Facebook est très important. Sinon, pas de réservation, à moins de téléphoner. Mais là, bon, j'ai pas pris le téléphone. Le téléphone, c'est tellement arrière. Désuet. Ouais. Ça te prend un portable et c'est tout. Là. Donc, ensuite de ça, ben, les mardis live au Gambrinus reçoivent cette semaine, ben, en fait, mardi prochain, The Rusty Cats, qui est un groupe rockabilly. Alors, je pense que ça va... ça rock un peu, c'est le fun, ça nous donne envie de nous déhancher et en ce moment, je me roule avec ma chaise. T'en as besoin, là. Je danse le twist. Défoule-toi. J'adore ça. Donc, voilà, je vous invite à y être. C'est 5 $, donc vers 21h, si je ne me trompe pas. Donc, vous vous rendez là-bas. Gambrinus, excellente bière, toujours. Toujours. Toujours. Toujours. Toujours très bonne. Et pour terminer, ben il y a le Festival d'été de Québec qui débute de ce soir, demain. Demain, vendredi, le 8? Oui, il me semble que oui. Débute demain, donc. Puis pendant le premier week-end, ben il y a d'excellents shows pendant le premier week-end. Pendant pas mal tout le long, là, je vous dirais. On a entre autres Alex Nevsky, Steph Schock, Gatineau, Random Recipe, qui probablement va quitter Trois-Rivières et se rendre au Festival d'été de Québec parce que c'est pas mal le lendemain. Cage the Elephant qui sera là aussi, Ben Harper et The Black Keys. Wow. Où vous pourrez me trouver en train de chanter. Ah. J'ai assez hâte. Donc je suis bien excitée d'aller voir ça, The Black Keys en show. Il paraît que c'est excellent. Il paraît qu'il donne un spectacle à couper le souffle. Et puis, bien évidemment, il y a Sir Elton John qui sera là samedi. Mm-hmm. Alors, la programmation complète, infofestival.com. Et puis moi, j'ai bien envie qu'on se mette un The Black Keys. Ah, je pensais aller mettre Elton John, Candle in the Wind. Ben non, j'ai plus envie de The Black Keys. D'accord. Black Keys, quelle pièce nous as-tu choisi? Unknown Brother. Oh, brother. Que j'adore. On écoute ça. Brother. Brother. À la vie de croisière, là, sans la joie qui est brother. Brother. My brother. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait très ghetto. Oui, c'est très ghetto, mais je suis ghetto, c'est ma vie. Brother. Black Keys et Unknown Brother. Excuse-moi, j'ai vraiment pas compris tes signes. Qui était pas un signe, vraiment. C'était comme un... C'était pas assez ghetto. Non, c'est ça, c'est pas assez ghetto. Ouais. Pas assez West Side, represent. Toujours dans la chronique culturelle, Myriam. La chronique culturelle avec Myriam. Ça s'appelle « J'aurais te demandé si tu restes des affaires à dire. » Oui, exactement. Là, t'as compris mes signes. Là, j'y comprends. On se comprend. Première émission ensemble, faut comprendre. Ouais, non, mais Ben, tu sais, je vais ajouter quelque chose. Okay, bon. J'avais envie d'en parler. Est-ce qu'on repart le thème? Non, ça va. Mais parce que cette semaine, je suis allée voir un film. Puis je voulais le conseiller. En fait, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est Larry Crown. Oui. Avec Tom Hanks et Julia Roberts. Je trouve que ça nous donne une belle leçon de reprise en main. C'est drôle aussi. Parce qu'en fait, je vous explique rapidement le synopsis du film, si tu veux. C'est un homme qui travaillait avant dans la marine, puis comme cuisinier, qui finalement se ramasse au U-Mart, qui, entre guillemets, ressemble pas mal au Walmart. C'est un magasin sur grande surface. Exactement. Ça ressemble pas à rien d'autre. C'est un magasin de grande surface. C'est pas mal ça. Donc, puis il se fait licencier parce qu'il a pas fait d'études. Il n'y a pas... Ses études sont pas assez poussées. Okay. Donc... Pour travailler dans un restaurant, dans un magasin, grand ça. Ouais, ben c'est parce que eux autres, ils prônent comme l'avancement de leurs employés. Puis là, il ne peut pas avoir assez d'avancement parce qu'il n'y a pas d'études. Okay. Donc, ils décident de le mettre à la porte, de le mettre à pied. Et s'ensuit une grosse décision. Ils décident de retourner à l'école, suivre 2-3 cours pour avoir un diplôme universitaire. Et c'est vraiment excellent. Ils rencontrent des gens plus jeunes qui... Puis il apprend d'eux. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est justement de voir qu'une personne un peu plus âgée apprend de gens plus jeunes. Parce que des fois, il y en a qui sont, pour pas utiliser le mot « bokeh », il y en a qui sont plutôt... ils ont pas envie nécessairement de connaître l'opinion des jeunes. Puis là, ben, je trouve que c'est une belle façon. Scénario qui est écrit, produit par Tom Hanks. Ah oui? Oui. Ah, je savais pas ça. Donc, ça me rend encore plus fan de Tom Hanks. Larry Crown. Ouais. Lance Corona. Lance Corona. Oui, parce que dans le film, il donne un surnom, donc Lance Corona. J'ai vu un petit peu les entrevues que Tom Hanks a accordées à la télé, à différentes chaînes, où il est complètement débile en entrevue. Il est tellement drôle. Il participe à tout. Il a fait la météo sur une chaîne espagnole. Il parle même pas espagnol. C'était génial. Super. Ouais. Allez voir ça sur YouTube. Ah, mais je vais aller voir ça. Sans faute. Merci, Myriam. Hey, j'ai très hâte à ta chronique. Ah, tantôt. D'accord. Est-ce qu'on s'écoute une pièce entre? Ouais, pourquoi pas. Transitionnons parce qu'il nous reste comme trois pièces à entendre dans les 45 dernières minutes de l'émission. Donc on va étirer le contenu entre. En fait, non, on a tellement le contenu que ça va très bien aller, vous allez voir. Eh oui, ça va passer comme du beurre dans le poêle. Qu'est-ce qu'on va entendre en troisième? De Bruce Feeder. Ouais, c'est mieux de regarder sur ta feuille que sur le CD, c'est écrit. Mais non, mais c'est ce que tu dis. Donc, les Bruce Feeders avec Ne perds pas la tête, qui sera suivi de... Non, juste celle-là. Juste celle-là? Ouais. Ah, OK. Moi, c'est vrai, on a dit qu'on voulait tirer. On chillax. Ouais, chillax. Chillax sur le bord du bateau. Chillax, les pieds sur le sable blanc et marcher sur la plage. C'est quoi ça? C'est une très vieille chanson, je me rappelle, je sais pas qui chante ça. Bon, de ça va être facile de la faire jouer. Hein. En tout cas... C'est-tu Kitten ou... Kitten, ouais. OK, bon. Plutôt. Donc, on fera pas jouer ça. Non, c'est ça. Je vais me contenter de chanter. Hein? Je me suis contentée de chanter. OK, on va repartir ça, va. N'importe quoi! Yeah. Ouvre-toi un micro, on parle. Mais oui, allez, Bush Feeders avec Ne perds pas la tête, l'ancien numéro 1, c'est en troisième place francophone. On aime ça, le plaisir. J'ai fait une face de gerbille, les yeux bien gonflés. Je me disais, voyons, comment ça, on n'entend rien. Qu'est-ce que ça? Ça avait l'air à peu près d'être ça. En train de parler, puis le matin, je fermais. Puis là, je le rallumais, ça a l'air professionnel. C'est excellent. Super. C'est génial. T'aimes ça, des faits? Oui, j'adore ça. Surtout quand ils sont véritables et vérifiables. Et véridiques. Véridiques. Les trois V, vas-y. C'est un. Ben, ouais. Il est pas essentiel, le troisième V. Ben. Hey! Caroline. J'ai fait un saut. Ben, moi aussi, j'ai fait le saut. C'est Marie-Pierre qui arrive en studio. On va lui laisser le temps de s'installer en nous parlant. Mais Marie-Pierre, la forge bourrait, parce que d'habitude, Myriam, là, était en remplacement de Marie-Pierre. Eh ouais. Aujourd'hui, c'est l'émission La plante fougère. Fugère. Plante et fugère. Ça sonne mieux plante et fugère que fugère et plante. J'ai décidé de mettre mon nom en premier. Ce n'est pas par narcissisme. Ben, laisse-moi douter. OK, je te le permets. T'as le droit. Donc, bonjour Marie-Pierre. Allô. Ça va? Oui, ça va bien. Heureux de te voir, on se fait à la forêt le micro. Moi aussi, j'ai eu un petit peu de temps finalement, un peu plus que je pensais, fait que j'ai dit, je vais passer les voir. Et tu tombes à poil. Quelle bonne visite. À poil. Tu tombes à poil. Tu tombes à V. Ouais, c'est ça. Exactement au bon moment. Les faits. Commençons avec la NASA, qui dit que présentement, on ne prévoit pas envoyer d'enfants dans l'espace. Ah, on prévoit pas ça. Pas pour l'instant, c'est pas dans les plans. OK, bon. Super, hein? Donc. Génial. C'est dans leur foire aux questions. Les questions fréquemment demandées. Donc, vraiment, les gens littéralement demandent quand est-ce que vous allez envoyer nos enfants dans l'espace? Question de les tuer, t'sais. Ben oui, voyons. Non, tu sais, ils ont reçu des appels. Chose. tous les parents meurtriers d'enfants ont tapé là-bas. Bon. Ouais. C'était douteux. Ben, coudonc. Fait suivant. Bubble wrap, tu sais, les emballages de bulles, on aime tous péter des bulles quand on sort du courrier. C'est si plaisant. C'est génial. C'est une marque déposée de Sealed Air Corporation, la corporation de l'air scellé dans des bouts de plastique. Super. Une belle corporation. C'est ma traduction littérale de Sealed Air Corporation. Retour vers le futur est sorti il y a 26 ans, le 3 juillet dernier, donc il y a 26 ans environ, dans une des premières, un des premiers brouillons du script du film, la machine à remonter dans le temps est exposée dans un vieux réfrigérateur. Oh! Bon, ah! Mais c'est plus fun une voiture. Hein, c'est ça? Plus joli. Ouais. Ça fait plus Batman, mettons. Ouais, plus super-héros. Ouais, exact. Milton Bradley, vous connaissez la compagnie de jeux de société, ils ont présenté sur le marché pour la première fois le jeu de mémoire Simon. Tu sais, celui où tu dois appuyer sur des couleurs, tu sais, mettons, ils vont dire rouge, vert, jaune, tu fais rouge, un vert, genre de petit carré, puis là, c'est ça quand t'es enfant, puis ouais, tu pèses dessus. C'est ça. J'ai jamais joué à ça. Pèse sur le jaune puis le rouge en même temps, après ça, le bleu. Après ouais. Ça, j'avais les bons vieux cartons là, qu'on retournait, là. Mettons, tu retournes un carton. Ah, oh, c'est un chat. Tu revires le carton. Le temps de c'est ça, un jeu de mémoire. Mais c'est jamais aussi le fun que le truc que tu mets dessus. Non, ouais. Parce que Simon, plus t'en as, plus t'avances, plus t'as des J'étais différentes... J'étais pas assez techno, on dirait, hein? Je pas assez me sens vraiment out of the league. Pas mal. Donc, le jeu de mémoire Simon, ça a été présenté pour la première fois au Studio 54 en 1978. Bon. Une suite au film Beetlejuice, Betelgeuse, je crois en français. Oui, mais ça a jamais été fait. Ah. Ça a déjà été écrit, mais ça a jamais été produit. Ça s'appelait Beetlejuice Goes Hawaiian. Betelgeuse à Hawaii, genre. Betelgeuse à Hawaii. Jeuse, excuse-moi. Betelgeuse, c'est tellement un des films d'enfance préférés. Là. Ça m'a marqué. J'avais peut-être 6 ans et je regardais le film et encore. T'as un peu gêné, tu sais, je l'ai pas vu. Non, c'est... C'était faut que tu l'écoutes. C'était le même gars que dans Retour vers le futur. C'est dans mes plans. Non. C'était pas le c'est pas c'est Michael Keaton. Non. Faudrait faire nos vérifications. Je pense que raison. Tarzan. J'ai avoir de la misère avec ça. Je pense que je vais devoir chercher. C'est quoi ça veut dire ça? Attends un peu. On dit que le célèbre cri de Tarzan, c'est une synthèse de différentes voix d'un soprano. Là, tu m'aideras peut-être. Je sais pas si tu connais ça. Operatic soprano. Un soprano qui chante de l'opéra. Là, dans l'opéra, un chanteur d'opéra. Un castra? Soprano. Je sais pas. Un contralto mélangé avec un contralto et avec un gars qui appelle les animaux. Là, c'est quoi un hog? C'est des cochons. C'est une sorte de cochon, un hog. Donc, un gars d'Alabama qui faisait un appel de cochon. Quand t'appelles un cochon, un call de cochon, okay, je sais pas comment ça se fait. Et moi, je fais tous les bruits, hein. Ouais, mais dans le fond, le alto mélangé avec soprano, ouais. Ça serait vraiment la variation de son. Un par-dessus l'autre, j'imagine. Aïe, aïe, aïe. Ça doit être ça. T'es vraiment doué, hein. Très doué. Vraiment doué, toi. Devant aussi. Moi, j'ai deux personnes douées, puis je me sens soudainement très, très petit. Bon. Dans allez, essaie toi aussi, Mathieu. Non. Ah, tu l'as pris. Non, ça fait. Plus de 1000 espèces d'animaux, mille espèces d'animaux, sont cannibales. Je mets mes pluriels n'importe quoi. Donc, cannibales, 20 000 espèces d'animaux sont cannibaux. Avec des pluriels partout, ça va aller mieux. Les espions britanniques ont arrêté d'utiliser, et là, bon appétit, ont arrêté d'utiliser du sperme comme encre invisible parce qu'ils trouvaient que l'odeur n'était pas fraîche. Loin de moi, l'envie de couper cette belle technique et cette belle information, mais on me dit à l'instant, à l'oreille, qu'il s'agissait de Michael Keaton. Ah, et bon. Alec Baldwin dans Beetlejuice. Super. Merci. Super. Bravo, mec. Merci, Google. On parlait tantôt de chandelle avec Candle in the Wind de Elton John, c'est ça? Oui. Oui, bon, tu t'en rappelles. 96% de toutes les chandelles qui sont vendues aux États-Unis sont achetées par des femmes. Qui aurait douté de ça? Vraiment. Une belle ambiance. Quand t'as parlé de chandelle, dans ma tête, j'ai eu bougie de fête. Puis je me suis dit, non, ça doit pas être juste des bougies comme ça. Je sais pas si ça compte là-dedans. Ça compte-tu, des petites chandelles, là-dedans? Je sais pas. 10 comptes pour une. Ça doit être des cierges, des lampions, là, les affaires. Il y en a, là, tu peux le mettre dans l'eau, là, puis ça flotte. Une espèce de. Les petites bougies cute aussi. Ouais, là. Exact, ils sentent bonnes. Tu sais, ça, clair de lune, là, ça fait fortune avec les petites madames. Oui. Ou pas avec. Ou avec les jeunes qui savent pas quoi acheter à leur mère à Noël. Aussi. C'est un passe-partout, en effet. Ouais. En effet. Moi, il achète une chandelle, elle va être bien contente. C'est sûr. Quelque chose qui sera bon. Les restaurants chinois aux États-Unis, il y a plus de restaurants chinois aux États-Unis que de McDonald's, Burger King, Wendy's, Domino's et Pizza Hut ensemble. Réunis ensemble. C'est vrai. Donc, ce n'est pas la plus. Les hamburgers et les pizzas ne sont plus les plus populaires, c'est bien le chinois. On nous dit que cette cuisine-là est arrivée au milieu des années 1800, quand les gens ont migré, je crois, de la Chine, cherchant de meilleures opportunités des décennies avant que les hamburgers et la crème glacée deviennent aussi populaires. Ils étaient dans des endroits très retirés. Là. Il y avait beaucoup de préjugés. Mon anglais préjugés. Envers eux. Dans les Chinatowns, c'est là qu'ils étaient. Et puis ensuite, à un moment donné, ça a fini par s'éparpiller. Ils ont même modifié plusieurs plats parce que, entre autres, le chop suey, ça a été inventé aux États-Unis. J'aime pas mais ça, mon chop suey. C'est pas bon. Non, j'aime ça, moi. C'est tout mou. Mais ça dépend. Quand c'est croustillant, ça va. Quand c'est mou. Quand tes fèves germées sont un petit peu trop cuites, là, ça va pas du tout. Là. Sont molles et détestables. Même chose pour la tradition de servir des biscuits de fortune, des petits fortune cookies à la fin d'un repas, ça a été inventé aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai, mais c'est tout le temps tellement pertinent. Tout le temps. Toujours dans le domaine de la nourriture, le café est la deuxième. Ils disent commodité. Je sais même pas comment traduire ça, j'ai aucune idée comment traduire ça. Mais la deuxième chose qui a le plus de valeur au monde après l'huile. Si on veut. Ah, donc, ouais. En moyenne, la moitié des adultes américains boivent entre 3 et 4 tasses de café par jour, ce qui veut dire 330 millions de tasses de café par jour au pays. Et si on compte le thé et les boissons gazeuses, plus de 80% de la nation se réveille avec une dose de caféine le matin. Certaines personnes, pour travailler dans un café, là, certaines personnes qui n'aiment pas le café, parfois boivent le matin à la place un Coke, mettons. Oui, c'est vrai. Mon père. C'est spécial quand même. Bizarre comme goût le matin, mais moi, ça me dérange pas tant que ça de boire de la liqueur le matin. J'essaie de pas le faire. Ben moi, des fois, je me lève le matin, puis au lieu de déjeuner, je dîne. Oui, ça arrive aussi. C'est qui dort dîne? Qui dort dîne. Mon père, je veux pas parler trop de mon père longtemps pour ses mauvaises manies, parce que là, ça fait une mauvaise réputation. Pour papa. Mais liqueur, Joe Louis, ou tu sais, un gâteau même le matin. Sucre, point, café, sucre, oui, non. Ah ouais. Non, mais ça commence bien de journée. Ouais, mais tu commences la journée, t'es comme sur un high, puis ça doit faire... Tu craches l'après-midi, c'est clair. L'après-midi, tu roules avec un petit sucre sur le bord de la tête. Plus. Bon. Les Skittles, on connaît... Ben, je sais pas si vous connaissez, vous, la publicité, la campagne publicitaire de Skittles qui dit goûter l'arc-en-ciel, tu sais. Taste the rainbow, c'est super absurde, là, sur YouTube. Goûte l'arc-en-ciel, touche l'arc-en-ciel. Voilà. Mais tu peux pas goûter l'arc-en-ciel au complet parce qu'il n'y a pas de bleu dans les Skittles. Ils ont sorti une édition spéciale des Skittles il y a quelques temps avec du bleu dedans, mais par contre, ils n'ont jamais sorti de Skittles de couleur indigo. C'est quoi? C'est un genre de mauve, ça? Oui, un bleu mauve. Ils n'ont jamais sorti ça, donc tu ne peux pas goûter l'arc-en-ciel. C'est une publicité mensongère. Mais il n'y a pas aussi des couleurs que tu ne peux pas voir dans l'arc-en-ciel? Aussi, un peu dur de faire les Skittles comme ça. Oui, c'est ça. Et ça commence à te faire des couleurs très différentes. J'avoue que le slogan serait pas aussi efficace si c'était goûter une partie de l'arc-en-ciel, mais goûter aussi des choses qui ne sont pas dans l'arc-en-ciel. Ça a été long un peu. Ben, ça fait beaucoup de Skittles pour l'arc-en-ciel. Ouais. Y a une fleur, toujours dans le domaine de la nourriture et des choses bonnes, une fleur qui sent le chocolat. C'est la Cosmos Astro Sanguineus, ou connue sous le nom de Chocolate Cosmos. Très vendant comme ça. C'est une plante du Mexique qui peut faire jusqu'à 24 pouces de haut et qui est de couleur marron, donc brune. Donc ça a l'air de chocolat et c'est célèbre pour son odeur de chocolat. Par contre, elle est toxique. Elle est pas mangeable. Oh. Pas mangeable. Pas mangeable. On dit aussi qu'aucune partie de la plante qui est mangeable, mais ça nous dit que la plante est pas fertile, donc elle ne produit aucune graine qui pourrait s'éparpiller puis en produire d'autres. Donc j'imagine que c'est. Faut les planter à la main. Je sais pas comment ils font ça. Probablement, ils en coupent des parties plantailles. Peut-être qu'ils ont perdu leur, leur capacité de se reproduire avec le temps. Je sais pas. Aucune idée. Appelons-en chez Botanix. Non, il y a le détail après. C'est juste que encore une fois, traduction, j'ai aucune idée quoi dire là-dessus, mais ça dit qu'elle se propage par division de ses tubers, en anglais, en français. Des tubercules. Ah! Moi, j'avais tubules, je sais pas. Tubules? De ses. Ben, peut-être que c'est ça, tubercules. Tubercules, c'est pas une maladie, ça. Ouais, comme tuberculose. Ben non, il n'y a pas. Tu sais, des fois, comme il y a des racines, là, un peu comme du gingembre. Peut-être que ça se sépare, puis ça repousse, quelque chose comme ça. Je te dis, pour une émission qui s'appelle Plantes et Fugères, on n'est pas très botanique aujourd'hui. Ah non, hein, on n'est vraiment pas calé. Pas Mario. Il faut toujours avoir un fait sur Mario une fois de temps en temps. C'est quand même ma passion. Mario, le gars du jeu, là? Du jeu vidéo, ouais, en effet. Merci. Pouli, puis Chabot, puis non. Pas ce genre de Mario-là. Okay. Mario, sur la couverture du premier jeu, Mario Bros. Brothers, là, 1, là, le premier, est en train de mourir. Ça paraît pas, mais je m'étais pas rendu compte de ça sur la couverture du jeu. On voit Mario avec tirer une boule de feu avec la main dans les airs. Et puis, on voit un mur devant lui. Donc, dans le fond, il est en train de tomber dans la lave. On le voit, la lave est juste en dessous de ses pieds. Donc, il est en train de mourir, sa couverture. C'est lugubre, ça, Mario meurt, sa couverture. Dit Mathieu en nous pointant son ordinateur qu'on ne peut pas voir. Ouais, exactement. Ah, vous avez pas vu. Vous vous rappelez pas de la couverture de Mario? Ben, c'est pas frais dans ma mémoire. Moi, je suis pas aussi geek que toi, Mathieu. Non, je me rappelais pas de ça. C'est vraiment pas. Au Nintendo, il a été refait sur d'autres consoles, mais c'est celle-là sur Nintendo. Bref, cherchez Super Mario Bros. Sur Google. Vous allez trouver. Google. Ou Twitter. Un des deux. Bon. Sega, toujours dans le domaine des jeux vidéo, ça veut dire Service Games. Au début, c'était une compagnie américaine qui faisait des machines de pinball pour l'armée américaine. Ping, Sega. Ping. Ouais. Non, mais regarde, je voulais juste vous ajouter un complément de. Ça, c'est le bruit pour quelqu'un qui joue au ping-pong, ça? Non, ping! Ça fait des ping quand on joue au pinball. Allez, non, regardez, continuez. Ok, moi, je vais faire le bruit de Sega. Oui, vas-y, j'attends. Sega! Waouh! Poil ses bras. Poil ses bras, toi. C'est excellent. Meilleur que mon ping, ping. C'était en effet plusieurs fois meilleur, oui. Le réalisateur Michael Bay, dans son film le plus récent, Transformers, a détruit un total de 532 voitures. 532. Quel gaspillage, vous me direz, ben de oui. voitures. Mais non, détrompez-vous, c'est faux. Parce que tous les véhicules ont été donnés. Ils s'en allaient de toute façon se faire détruire dans une fourrière. C'est pas ça. Ouais. Alors, une place où ils détruisent une cour à scrap, voilà. Ouais, c'est ça, en bon français. Pourquoi bien parler, t'sais. Donc, B a dit en entrevue avec Reuters, ce sont des voitures qui ont été endommagées par l'eau. Donc, lors d'eau, là, qui rentre dans un garage de pluie, genre, c'est ça. Donc, ils sont détruits. Et selon la loi, ils sont obligés de les détruire. Donc, c'est le gars parfait pour les détruire dans un film. C'est dit, Colin, voici ma vocation. Incroyable. Je pourrais faire un film, tant qu'à faire. Tu pourrais. Ce serait sûrement meilleur que Transformers, d'ailleurs. Mais oui. Non, je me disais que Michael Bay devait se dire ça, en tout cas. Probable. Il y a une rue qui s'appelle... en fait, est-ce que j'ai le nom de la rue? En tout cas, il y a une rue au Royaume-Uni qui a été enveloppée de bulles. On parlait de bubble wrap plutôt dans la chronique. Mm. Une ville qui a été enveloppée complètement de ça parce que c'est une rue qui où il y a beaucoup de réclamations d'assurance. Donc, c'est au Royaume-Uni, mais c'est évidemment une affaire promotionnelle. C'est Somerville Road de Worcester qui a eu... en fait, ils ont 10 réclamations d'assurance par année depuis la dernière décennie. Donc, la compagnie Confuse.com, qui est une compagnie d'assurance, a décidé d'envelopper la ville de bubble wrap. Tout ça pour, évidemment... La ville au complet? La rue. La rue, okay. La rue Somerville Road. OK. Voilà. Toutes les arbres, les voitures, les appartements, tout ça, pour faire une petite campagne publicitaire. Ça a pris 1500 mètres cubes carrés. Mètres carrés. C'est pas du volume ici, là. De bulles pour envelopper cette rue-là. Ça doit tellement être cool. Tu sors de chez toi, tu te lances, ça fait pop! Tellement génial. Tellement génial. La maison où chose. Chose Jefferson, tu sais là, Chose Jefferson qui a signé la déclaration de l'indépendance américaine. Oui, oui. Chose Jefferson. C'est l'endroit où il a déclaré, où il a signé ça, il l'a écrit là. C'était remplacé par un kiosque de hamburger. Donc, Jefferson, on dit qu'il a écrit la déclaration d'indépendance à Graff House à Philadelphie, une bâtisse qui a été détruite en 1884, remplacée par une banque. La banque a été démolie au début du 20e siècle, qui a été remplacée par une nouvelle bâtisse, un kiosque de hamburger. Et ils ont une pancarte historique à l'avant qui explique la signification. La roulotte à patates frites. C'est ça. Jeffy patate, la patate à Jeffy. Ça part un peu de l'événement historique. Un peu, hein? Il aurait pu construire une bibliothèque. Une méchante débarque, là. Ouais, une bibliothèque, ça aurait été très cool. Ça aurait été bien. Étrange de coïncidence, toujours par rapport au président américain. Trois présidents américains sont morts le 4 juillet et deux sont décédés à quelques heures l'un de l'autre. Donc, on dit que John Adams, Thomas Jefferson et... on parle de lui, justement. Et James Moore sont tous morts le 4 juillet. Adams et Jefferson, qui ont tous les deux signé la Déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776, sont morts exactement le même jour, le 4 juillet 1826. Thomas Jefferson a écrit le brouillon original de la Déclaration d'indépendance que John Adams a défendu au Congrès. Donc, on dit que c'était un drôle de hasard qu'ils sont morts. Mais oui. Au 50e anniversaire de la journée où la Déclaration a été... Il se pouvait plus. Adopté. Il se pouvait plus. Bon, c'est assez. 50 ans, bel anniversaire. Ouh, Cressel, attaque du camping. Non, c'est pas. On ne sait pas. On dit que... le président James Monroe est mort, lui, le 4 juillet 1831, exactement 5 ans après Adams et Jefferson. Voilà. Bon. Et un dernier, on va terminer sur une note là, tellement classe. Shaggy dans Scooby-Doo. En français, il s'appelle autrement, si je me rappelle bien. Est-ce que quelqu'un est assez fan de Scooby-Doo pour me dire... C'est celui avec les pinches. Je pensais que c'était Shaggy. Ouais, mais je pense que c'est Shaggy aussi. Dans toutes les versions. Pas grave. Okay. Shaggy, donc, si vous connaissez tout le nom de Shaggy, c'est parce que les gens le connaissent aussi. A un vrai nom. Norville Rogers. Comment? Norville Rogers. Mais ça me fait rire, moi, ça, des trucs comme ça, parce que, tu sais, ça arrive souvent, mettons, dans un film où il y a un surnom, dans une émission, ou dans un livre. Ouais, mais son vrai nom, c'est quoi? Puis là, tu finis par... en trouver un au hasard, parce que c'est une fiction, c'est pas une vraie personne. Ben oui, c'est ça. Je trouve ça un peu bizarre. Tu sais, mettons, dans un... tu fais un quiz, là, comme, je sais pas moi, il y a une émission à Radio-Canada, je sais. Connivence. Non, mais pas ça. En tout cas, tu sais, faut que t'apprennes tout sur un sujet. Là. Ah, tous pour un. Voilà. Donc, tu sais, t'apprends tout sur ce sujet-là. Puis, à un moment donné, il te demande, ouais, quel était le nom du constructeur de la cabane de Snoopy? Mais là, il y en a tout le temps qui le sait. Voyons. Toujours. Comment ça? On a vu ça dans quel épisode? Que le gars, il s'appelait... comment il s'appelle? Shaggy? Norville Rogers. Mais ouais, tu sais. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon. Ils sont vraiment calés. Ils ont fait leur étude. Ils ont fait leurs études sur un sujet un petit peu n'importe quoi. Autre fait, Casey Kasem était la voix originale de Shaggy et a tenu le rôle pendant 28 ans avant de démissionner en 1995. Kasem était un végétarien strict et il avait demandé à ce que Shaggy soit écrit comme végétarien dans l'émission Scooby-Doo. Par contre, en 1995, Shaggy et Scooby ont été en vedette dans une publicité pour Burger King et donc Kasem n'aimait pas ça, il a démissionné. Il est retourné au rôle 7 ans plus tard, lorsqu'on a reparti une nouvelle série What's New Scooby-Doo, après que les producteurs aient décidé de lui accorder que Shaggy est végétarien dans l'émission maintenant, à partir de la série de 1995. Hey, c'est princesse un petit peu, ça comme attitude. Un petit peu, mais en même temps, il est tellement associé à la voix que même si tu prends un imitateur, ça sonne pas pareil comme Casey en anglais. C'est comme si tu changes la voix de Bart. Ça va mal. T'es bonne, refais ça. La voix de Bart Simpson. Si t'as chance, ben, ça a pas l'air de la même fille, parce que c'est une fille qui le fait, bro. Quand même, elle est bonne, hein? Ça ressemble vraiment. En fait, un peu troublée. Non. C'est la seule question, mais c'est cool. On veut Lisa. Non, mais je sais pas jouer de sax, ça fait comme une barrière. C'est un peu comme quand t'es végétarien, ça fait une barrière dans ton personnage. Tu peux pas, t'es pas capable. Donc, t'es voyou. Je me suis mis au skate. Tu t'es mis au skate. Puis mon père m'étrangle tous les soirs. Je me pratique comme ça. Wow. Quel moment, mon Dieu, j'avais jamais fait ça. Génial. À la radio, d'habitude, je suis gênée de le faire devant mes amis. Ils vont t'en vouloir. Non, il y en a certains qui m'écoutent sûrement. De toute façon, s'ils l'ont pas entendu, on coupera ça pour les meilleurs moments et on diffusera ça tout l'été. Pas nécessaire. Bon. On va aller entendre les prochaines positions. On est rendu. On va se terminer tout de suite les positions 2 et 1 pour avoir du temps pour, j'espère, au moins passer quelques petits gadgets qui existent mais qui ne devraient pas. Oui! Donc, position numéro 2, Philippe B avec l'été suivra la position numéro 1 qui, évidemment, est remplie de jeux de mots parce qu'on ne dit pas les numéros 1. Et Colin, j'ai failli t'en sortir en plus. J'ai failli, hein? Je t'ai pas averti d'avance, moi. OK, moi, je vais deviner, j'ai pas vu la feuille. OK, parfait. OK. Premièrement, ça commence pas. Il y a un mot que tu sais que j'aime déjà pas ça. sauf avec du sirop d'érable. Déjà, ça te... ça te... Gruau! Oh, Colin, c'est... Méta gruau! C'est ça, tu vois, je fais des blagues sur moi-même, c'est très, très méta. C'est ça, être méta, c'est de parler de soi-même. C'est méta Mathieu. C'est méta Mathieu. Métieux plante. Métieux plante. Hein? Métieux. Plante et fugère. Et la forge bourrée. C'est juste une personne en passant la dernière. Donc, c'est Marie-Pierre Laforge bourrée. Juste une personne encore. Myriam Fugère. Une personne et aussi. Mathieu Plante. Une personne moindre, certains diraient. Bon. Pour ce numéro 2. PB, l'été. Non, mais j'essayais de rentrer une dernière petite pine envers moi-même pour l'été. Être très méta. Ouais, ouais, ben oui, il faut toujours parler de toi. Il y a égocentré ici. T'as noté. J'ai passé l'été le cœur sur la corde à linge et la tête au congélateur. J'ai passé l'été à regarder passer les avions au-dessus de Villeray. Et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal. Et la ville avale le soleil. Passé l'été à écouter chanter les oiseaux, les rideaux fermés. Et parmi les mal-aimés, étendus par milliers, tout nus sur les grands. Et déjà dans le ciel, une fille déshabille Montréal. Et la ville avale le soleil. Heures à l'envers. Une autre fille de gaspiller une autre saison en enfer. J'ai viré les heures à l'envers. Une autre fille de gaspiller une autre saison en enfer. Et en première position. Feu de poubelle de Maître Grillon en première position du palmarès francophone. Ça monte de 14 places. Troisième semaine de présence, donc ça n'a pas été long avant de se rendre au sommet, ça. C'est populaire, Maître Grillon. Pas comme le griot, que je trouve dégueulasse. C'est boiteux, un peu. Non. C'est pas super. Arrêtez. Je ne serais pas particulièrement non. là-dessus. Là. Mais tu sais, des fois, là, quand t'as le goût de rien manger, t'es comme un petit peu malade. Là. Puis là, que maman a dit, je te fasse un bon griot. Oh. Là, t'aimes ça. Moi, ma mère, c'est vite, je t'écrase une banane. C'est comme une banane écrasée. C'est moi, vrai? Moi, elle me connaît assez bien pour savoir que j'aime pas vraiment ça. Bien. Alors, on va parler de choses utiles, peut-être, d'autres fois moins utiles. On va faire ça vite. C'est la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, là. Yeah. La chronique, ça existe, mais ça devrait pas, là. Vous l'aurez compris par son titre. C'est des choses qui viennent régler des problèmes qu'on n'a pas nécessairement dans la vie. C'est bon. commençons avec le problème. Bon, t'as ton chien, OK? Tu veux l'amener... faire une promenade, faire ses besoins, mais t'as pas envie tout le temps de sortir la laisse. Là, à un moment donné, là, sortir la laisse, ou le chien qui va chercher la laisse, déjà, c'est pour les paresseux, c'est pratique d'avoir un chien. C'est dur de l'entraîner pour ça. T'as un collier qui peut rester sur ton chien, c'est le Super Collar, d'accord, qui reste sur ton chien, et dedans, il y a une genre de poignée que tu tires, et ça va jusqu'à 3 pieds, et genre, ça barre à 3 pieds, puis après ça, tu peux l'attacher, cette affaire-là, à une autre laisse externe pour avoir plus que 3 pieds. Donc, c'est un collier qui reste tout à l'heure. Ça coûte 40$ chez Taylor Gifts. C'est très paresseux comme objet. C'est bizarre. Hein? Puis là, ça me fait penser à la SDC, qui est la Société de développement de je sais pas quoi, là, à Trois-Rivières, en tout cas. Bon. Ils ont une nouvelle campagne. Puis c'est drôle parce que ça joint vraiment les deux parties de ta nouvelle ou de ton utilité. Truc, là, ouais. Ouais. Ils mettent des pancartes. Pas ramasser les besoins du chien, c'est chien, genre, en faisant comme ça. Oh, c'est cute. Laisser ton chien sans laisse, c'est chien. Un truc comme ça. Puis ils l'ont pas fait pour les chats parce que ça marchait pas. Ben, c'est rare, un chat en laisse. C'est drôle. J'avoue, mais ça existe. Ouais, c'est drôle, un chat en laisse. C'est un malaise quand bizarre. Tu vois ça. Il ouais, petites pantoufles. Tu sais, il est là. Ouais. Ça marche bizarre, un chat en laisse, c'est vraiment ça. Ensuite, Tokyo Flash qui nous présente une montre Kisai Kaidoku, qui s'appelle. Ça, c'est le nom de la montre. Qui te montre... Ça te montre. les mots de chaque heure et chaque minute. Donc, ça te montre vraiment mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, t'as des symboles AM/PM. Et puis, là, ça va flasher à intervalles pour te dire l'heure. Donc, si tu veux rendre la montre encore plus compliquée que d'habitude, faire parler le monde, c'est bien. C'est un genre de blog là, qui a publié ça. Si vous voulez aller voir le lien, il y a les photos, il y a une vidéo de comment ça fonctionne. Je crois que c'est un concept en ce moment. Où est-ce que c'est disponible? Aucune idée. En tout cas, donc, montre avec du texte dessus. Le Vanity Mirror Watch, une autre sorte de montre parfaite pour les gens qui aiment se regarder. C'est une montre miroir. Donc, vraiment, littéralement, c'est une surface miroir. Et dessus apparaissent en lumière rouge. Quand tu appuies sur un bouton, j'imagine, ça te montre l'heure pendant quelques secondes, puis ça s'en va. Tu peux faire semblant de regarder l'heure. C'est artistique, hein. Ouais. Mais souvent, si t'as de quoi dans le nez. Ouais, j'ai quoi entre les dents, tu sais, t'as le miroir à portée de la main. Puis t'as pas l'air con en sortant ton petit miroir. J'aime bien ça. Mais j'aime mieux, si on parle de montre, ma montre préférée tous les temps, c'est un bracelet. Qui détecte si ton téléphone est loin de toi par Bluetooth. Fait qu'aussitôt que tu t'éloignes trop de ton téléphone, comme si tu peux pas l'oublier. Non. Ah. Ça, je trouve ça cool. Je l'ai pas encore acheté. C'est trop chouette, fun. Ça. C'est bien, ça. Le Darth Vader Hair Dryer, c'est un séchoir qui ressemble à la bouche de Darth Vader. Ça fait pas le bruit, et c'est seulement un concept, donc tu peux pas l'acheter, mais... Ouais, j'ai eu bien de la misère à jouer croucou, mais ça... C'était Bart qui voulait sortir, hein? Luke Skywalker, je suis ton père. Ouais. Ouais. Je salue quelqu'un que je connais, que je, sûrement qu'il écoute pas, mais qui a nommé son enfant Luke parce qu'il est tellement fan de Star Wars. Ben, dans un gars, une fille, il avait appelé Anakin. Anakin Skywalker. C'est un beau nom, ça. Hein? En plus que son surnom, c'est Anna, c'est un gars. Ouais. Tu l'appelles R2D2 plante, mettons. Voilà. C'est 3PO. Je suis un des seuls geeks sur Terre à ne pas encore avoir vu la grosse saga Star Wars. Je m'assume là-dedans. Prochaine chose qui vient régler un problème, t'es à la maison, tu mets ton linge sale sur un banc de temps en temps, puis tu le sers pas, ça arrive, tout le monde fait ça. C'est un sac bleu avec un renforcement, je sais pas c'est fait en quoi, des tiges qui fait que ça tient comme il faut. Et tu mets ton linge sale dans ce sac-là, tu le fermes, tu peux t'asseoir dessus. Parce que si t'es paresseux puis tu mets ton linge sur un banc, tu vas vraiment vouloir le mettre dans un sac, évidemment. Eh ouais, t'as rien que ça à faire. C'est ça. Non, si tu voulais le mettre dans un sac, tu le mettrais dans le panier à linge. Ouais. C'est bon. Ok, on se dit. Une façon de rendre votre iPhone encore plus stupide côté look et tu sais, on parlait la semaine passée de. Non, quand même. On parlait la semaine passée de mettre un truc dans ta prise d'écouteur qui avait l'air de quelque chose de drôle, une branche d'arbre ou peu importe. Ici, c'est des autocollants. en forme de, mettons, de beigne ou de différentes choses comme ça, et tu les installes sur ton bouton home, le petit bouton rond en plein bas, en bas de ton iPhone. Wow. Tu mets dessus, il est est-ce qu'on dit concave ou convexe quand c'est bombé? Convexe. Donc, ils sont convexes, donc c'est plus facile d'appuyer sur un bouton. Mais si tu as un skin ou quelque chose sur ton iPhone, ça peut être difficile de le faire fitter avec ça. Donc, faites attention. Mais ça coûte 5$ pour 6 autocollants chez Strap Your World qui vendent ces petits autocollants-là pour avoir l'air d'une écolière, finalement. Je n'en veux pas. Non, je ne pourrais pas en avoir. T'as pas d'iPhone. C'est comme ça. Prochain gadget, c'est une séparation d'écouteurs en forme de branche. Donc, encore, ça revient au thème de la semaine passée. On branche ça dans la prise d'écouteurs. Ça sépare en 3 autres prises où tu peux brancher des écouteurs. Comme si tu peux partager ton son. Oh. Ça a l'air d'une branche, c'est cute. Oh, mais ça, c'est le fun. Ouais. C'est un porte-clés en plus, donc tu peux le transporter avec toi. C'est bien. C'est bien. Ouais, ça laisse pas se pire. Chez Kickerland pour 10$, disponible en 3 couleurs en ce moment, blanc, brun et bleu. Je trouve que brun, c'est celui qui ressemble le plus à une branche. C'est probablement celui que je choisirais. J'aime ça. Mais je choisirais pas ça. Moi, c'est en plastique. Mm. Locking Outlet Plug. C'est une prise de courant que tu branches, qui a un bouton dedans pour le barrer ou le débarrer. Comme ça, quand tu branches dans le mur, tu peux comme le barrer. Pourquoi? C'est au cas où tu tires trop fort puis que ça arrache? Ben, ça pourrait être pour les enfants, pas qu'ils débranchent quelque chose d'une prise de là. Ça pourrait être pour des outils qui n'arrêtent pas de se débrancher parce que tes prises de courant sont pas faites assez fortes. Chez nous, c'est le problème. Tout se débranche tout le temps quand tu passes, mettons, l'aspirateur ou un séchoir ou n'importe quoi comme ça pour brancher plein de trucs. Ça coûte juste au-dessus de 5$. Ça pourrait être bien à avoir à la maison et ça a l'air de fonctionner sur toutes les prises. Parlant de prise de courant, on salue maman qui a fait exploser le courant de la salle de bain. Pour vrai, non. Il a fallu changer la prise de courant cette semaine. Elle s'est fait sécher les cheveux avec son Dark Vader hair dryer. Probable. Mais il n'est pas dangereux, les séchoirs, mais il y avait déjà un séchoir qui avait pogné en feu, le fil. Tu sais, quand tu ne sèches jamais les cheveux puis que la fois tu le fais, ça fait ça. Oui, ça fait peur parce que c'est vrai que ça arrive plus souvent qu'on le pense puis ça fait toujours peur. OK, j'en sors quelques-uns. Je vais vous laisser le reste des liens sur assemblagerequis.com. Mais il y a entre autres une planche de bois qui se vend 650$. Une planche de bois pour mettre ton système de son dessus parce qu'il paraît que ça absorbe les vibrations et que ça sonne mieux. Donc 650$ pour une planche de bois super bien cirée. C'est japonais. C'est par la compagnie Krypton. Ça se vend 442$. Et il y a un modèle plus petit, plus gros, de 52 livres, qui coûte 650$. Super. Puis mettons, tu prends un 2x4 normal, ça marche pas? Je sais pas. Sûrement qu'il te dirait que non. Et peut-être pas aussi hot. Sûrement pas aussi beau, parfois. Ouais, ce sera pas aussi. Il y a aussi une nappe sur laquelle on peut dessiner avec même des grilles quadrillées, donc tu peux vraiment jouer à n'importe quoi, tic-tac-toe, peut-être, je sais pas, tu peux te faire sûrement un mot croisé avec ça, tellement c'est des belles grilles. Donc ça s'appelle Doodle Tablecloth que vous pouvez retrouver pour 50$ chez Team Geek. Hey, c'est j'aime fun. Ça. Un crayon qui est un dé aussi. Donc, c'est un crayon que tu vires au hasard en le prenant dans tes mains. Et là, sur chaque côté du crayon, il y a différents points. Donc, tu peux jouer à un jeu de dé avec un crayon. Ça règle bien les problèmes. C'est disponible sur le site By Sebastian Bernier pour 5$ environ. Il y a une trampoline gonflable pour mettre dans l'eau, parce que tu sais, je veux dire, on manque tout le temps d'endroits où sauter sur un trampoline. Évidemment. On s'entend, tu te dis, crime, sur la terre, c'est plate, peux-tu varier un peu, tu sais? Donc, ça, tu vas sur l'eau, puis tu sautes. C'est super. J'aime vraiment beaucoup ça. Il y en a, là, des trips. Moi, je connais du monde qui ont ça, là. Tu sais, t'as une méga trip, là, puis tu sautes dans l'eau. Ouais. Mais c'est le fun dans ta piscine parce que c'est comme un plongeon, mais dedans, piscine. T'as une sacrée piscine ou un sacré lac. Ouais, ben, genre une sacrée piscine, une piscine creusée. Ouais, parce que dans une piscine hors terre, c'est pas super pratique. On n'a pas le droit de sauter. Non. Ah, c'est ben interdit. Non, c'est écrit sur l'échelle. Ouais. Mm-hmm. Hein? Les gens lisent les instructions sur les échelles. Moi, je n'avais pas passé mon temps. Bon. C'est tout pour la chronique. Ça n'existe pas, mais ça devrait. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. C'est ça le nom de la chronique. C'est la fin de l'émission parce que notre prochaine amie a se pointé dans la grille horaire de C'est fou pour les auditeurs du jeudi. Ça devrait être en théorie une dose d'estrogène avec Marie-Michèle Caron. Ça commence à partir. Ça commence comme ça arrête, hein, une heure plus tard, à 17h. On est en rediffusion, je vous le rappelle, le samedi à 13h. Ce qui nous suit, c'est C'était fou, l'émission que j'anime en rediffusion. Ensuite, le lundi, on joue aussi de 15h à 19h. Après ça, c'est La Sécheuse et puis Rock Révélé. Donc, on se retrouve en direct jeudi prochain à 13h. Merci à Simon Fitzbé d'avoir participé à l'émission. Merci à Justine Renaud, à Stéphanie Gagné, à Marie-Pierre Laforge-Bourret, bien sûr. Je vais être là la semaine prochaine, toute l'émission. J'espère. Myriam, tu vas être là pour ta chronique, du moins. J'essaierai. Pas sûr, on verra. Ouais. Myriam Fugère, merci à toi. Et puis moi, c'est Mathieu Plante. Passez une excellente semaine. Et puis, bonne dose d'estrogène à tous. à bye bye. Bonne semaine. Ouais, bye. Bonne semaine. On se quitte sur une pièce de Man du côté anglophone. C'est en position numéro. Attendez, je la trouve 13e. Ça monte de cette place. C'est Knuckle Dance. C'est ça qu'on avait de la misère à prononcer parce que ça disait Crockle Dance. C'est un souvenir de la semaine passée. C'est bien? Non? Je suis seul dans mes souvenirs. C'est très bien, Mathieu. Oui, je m'en souviens. Moi, je m'en rappelle pas. J'étais-tu là? Je sais même pas. C'était là. Dansons tous sur la chanson thème et allez voir sur Assemblage Rocky pour les notes. Sur assemblagerocky.com pour les notes de l'émission et pour la balado-diffusion. Bye bye. C'est excellent. Chantons, chantons. Chantons la musique. Confess our